Tous, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, un podcast Outsider Game Design. Je suis avec Pierre V, qu'on avait déjà entendu sur les voix d'Altarid quand on avait fait le podcast sur le jeu de rôle tactique. Salut Pierre. Salut Thomas, ça va? Ça va, impeccable. Bon, je suis un peu en descente de crève, hein, donc je vais peut-être avoir une voix enrouée ou je vais peut-être parler du nez, hein, par contre. Ouais, moi Voilà, c'est. je suis pas en bien meilleur état que toi alors. Voilà, ok, bon bah c'est le podcast Doliprane. Alors le sujet du podcast, c'est pas le Doliprane, ce sont les joueuses qui font le jeu. Alors je vais un peu expliquer parce qu'en plus c'est un petit peu plusieurs sujets en un. L'idée c'est de parler de la part et de la responsabilité que prennent les joueuses dans la nature du jeu et dans la réussite ou l'échec de la partie. Ah oui, attends, oui. Ça y est, j'ai mélangé mes deux sujets. Le premier sujet, c'est la part que prennent les joueuses dans la nature du jeu, en fait. C'est en quoi les joueuses, c'est un élément qui fait varier ce qu'est le jeu, quoi. On parle de jeu de rôle, hein, bien sûr. Et du coup, une fois qu'on aura établi que les joueuses, elles ont une part dans la nature du jeu, eh bien, du coup, on va voir en quoi elles ont une responsabilité dans la qualité du jeu, dans la qualité de la partie. Et du coup, à partir de là, il y a plusieurs choses qui vont en découler. C'est la première chose, c'est comment, parce qu'en fait, c'est un petit peu l'histoire du rapport entre la joueuse et la base. Donc, la première chose, c'est peut-être, on va voir comment on peut rédiger une base pour tenir compte de ça. Et la deuxième, c'est on va voir comment en tant que joueuse, à partir du moment où on a établi qu'on a une responsabilité dans la qualité de la partie, eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre justement pour faire réussir nos parties? C'est une sorte de player does matter, quoi. J'adore la formule. Bah ouais, mais c'est ça, quoi, en fait. C'est ça, quelque part, player does matter, c'est un peu une philosophie qui avait pris beaucoup de place. Jusque dans les années 2000, et puis qui avait été un peu bousculé par le système does matter. Et maintenant, le système does matter, c'est quand même un peu la pensée dominante. Bon, j'ai pas de Bah, stats, ça hein. justement, on va pouvoir en discuter parce que c'est justement en écho à ça que finalement moi je suis venu avec toi vers toi avec un sujet avec plus ou moins des sujets par rapport à ce que tu dis et on va voir quoi. Donc, le premier constat, c'était que on pouvait jouer au même jeu en respectant les règles et avoir des expériences de jeu qui sont d'une qualité très variable, du moment que tu changeais la composition du groupe de joueuses. Ou alors le sens du vent, ou alors le cycle lunaire, ou ce que tu veux. C'est-à-dire que si moi je suis mal luné un jour, je peux très bien faire une partie dégueulasse, et la Ouais. semaine d'après, où j'ai bien dormi et tout tranquille, et la partie est super. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Mutatis mutandis. alors c'est quelque chose qu'on pourrait vérifier, par exemple, avec une personne qui. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup à la composition du groupe qui change, mais ça, c'est dû à mes pratiques. C'est-à-dire que moi, je joue rarement avec les mêmes personnes, ça n'arrête pas de changer. Je vois passer à peu près une centaine de visages différents en une année, quoi, autour de ma table. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y a pas mal de scénarios, notamment pour Niveau Sombre, que j'ai fait jouer plusieurs fois avec des groupes différents. Donc moi j'avais à peu près le scénario, les règles qui bougeaient pas trop, et je voyais bien que le résultat de la partie était très différent, notamment en fonction du groupe de joueuses, quoi. Donc Ça ne me surprend pas. voilà. Alors on va pas s'amuser à faire une étude statistique pour prouver ça, on va dire c'est une observation de bon sens, quoi. La question qui nous vient, c'est quelle est la part des joueuses dans le jeu? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'intérêt d'un livre de base? Si, entre guillemets, si selon les joueuses, la nature du jeu change tout le temps, à quoi sert le livre de base? Et qu'est-ce qu'on peut en, et donc, comme j'avais dit, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour la rédaction d'un livre de base ou pour faire évoluer nos pratiques? Eh ben moi, ça me paraît déjà bien copieux pour les minutes qui arrivent. Ouais, alors j'avais noté une dernière chose, c'était que le jeu de rôle, c'est un des rares jeux où des joueuses de différents niveaux peuvent cohabiter aisément. Alors, C'est-à-dire ça qu'elles en fait, se. tu l'as noté, je vois ce que tu veux dire, et en même temps, je suis pas sûr d'y croire toujours, parce qu'il reste que la cohabitation, comme tu vois, il y a des parties dégueulasses, il y a des parties super, et des fois, c'est quand même lié aussi au niveau, même si je sais pas vraiment. Non, si je veux bien comprendre la notion de niveau, t'entends par là des joueurs qui ont à peu près les mêmes aspirations et les mêmes caractéristiques. Bah, ça va être les aspirations, ça va être l'expérience, hein, parce que tu joues différemment, bah, selon que tu n'as jamais joué au jeu de rôle, selon que tu as fait 10 000 parties, quoi, hein. Ça va être la qualité, l'aisance à s'exprimer, la créativité de la personne. Effectivement, est-ce qu'on a les mêmes référents culturels, quoi? Je veux dire, une joueuse qui dit que de la SF et une joueuse qui dit que de la fantasy, elles vont se comporter différemment, en jeu, quoi. Et là, ça va encore, mais plutôt, comment dire, une joueuse qui lit que les romans de Maigret et une autre qui lit que de la SF ou de la fantasy, là, ça va être autre chose. Voilà. Disons que le jeu de rôle, c'est à la fois suffisamment souple dans les objectifs de réussite de partie, puis dans la fiction, en fait, pour qu'on puisse espérer faire cohabiter ces personnes. Et quelque part, le fait qu'il y ait des parties, et même des jeux de rôle entiers qui aient l'air très gonzo, hein, donc le gonzo, c'est une espèce. Comment? Ça peut être plusieurs choses. Hein. Je ne vais pas faire référence au Gonzo de Hunter Thompson, parce que c'est un peu différent, mais ce qu'on appelle le Gonzo en jeu de rôle, c'est quand il y a une espèce de mélange des genres complètement débile, quoi. Et en fait, c'est le mélange des genres, c'est quelque chose qui fonctionne à peu près bien en jeu de rôle, quoi. Bon, alors évidemment, il y a des fois où ça ne peut pas marcher, mais je pense que quand le mélange des genres ou des niveaux de personnes fonctionne mal, ça dépend en fait quelque part de notre niveau d'exigence en fait. C'est-à-dire que par exemple, si moi en tant que joueur, je veux que des joueurs et des joueuses super proactifs à ma table, et que je me retrouve avec une centaurette à ma table, le joueur qui est juste là pour voir se dérouler l'histoire et lancer les dés de temps en temps, ben ça va me plomber ma séance. Si j'arrive à la table en étant prêt à accepter un petit peu tous les profils de joueuses, ben ça va mieux se passer. Ok, je comprends. Donc tu as à la fois une notion d'attitude, tandis que après tu peux faire un jeu de plateau, mettons on fait un jeu de plateau avec des règles assez hardcore, tu peux faire une bonne partie avec une joueuse qui débute ou qui est nulle, mais ça va demander quand même beaucoup plus de fair play de la part de tout le monde, quoi. Oui, C'est ou alors compliqué. sinon, comment dire, on va dire que par défaut, elle risque pas de gagner, mais qu'au moins, elle peut bien s'amuser à côté, quoi. Ouais. Ça demande plus de travail, je pense. Parce que le jeu en lui-même, il est pas. Le jeu de plateau lui-même, il est pas. Tu peux dire beaucoup moins le tordre. Donc la seule chose que tu pourras faire varier pour que la partie se passe bien, c'est les exigences des joueuses et puis leur objectif, quoi. C'est-à-dire que si d'habitude tu joues à ce jeu de plateau aux règles super hardcore pour gagner. Si tu as une joueuse ultra débutante à ta table, tu vas peut-être délaisser cet objectif de gagner. Ton objectif, ça va plutôt être de lui apprendre les règles. Je vois ce que tu veux dire dans le cas théorique, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc là, je vais passer à toi, parce que tu avais. Et Je en crois que tu fait, voulais faire une petite biblio. bah, il y a une biblio et puis aussi pourquoi je suis. C'est un sujet qui m'intéresse et où j'ai envie de prendre la parole ce matin, parce qu'on est le matin. C'est d'abord en fait, moi c'est des réflexions qui me sont arrivées juste au moment où on avait enregistré le podcast en l'été dernier chez Altaride. Et en fait, on parlait de l'atomistique au niveau de l'atomistique stratégique. Et en fait, à un moment, moi je disais, moi la stratégie, en fait, il y en a partout. Tu peux pas jouer sans faire raison. Tu ne peux jouer que en faisant de la stratégie. Vraiment, la question, c'est à quel niveau, à quel curseur et quel focus tu mets dessus. Et en fait, vous m'aviez rétorqué à juste titre, Julien et toi, qu'en fait, moi j'avais une vision de la stratégie centrée sur la joueuse et où pour moi, en fait, vu que la joueuse ne pouvait qu'être stratège à un niveau plus ou moins profond, j'avais probablement raison dans mon axiome, mais par contre, le propos du podcast, c'est de travailler sur les jeux qui ont des règles qui encouragent la stratégie. Et donc, à partir de là, comment dire, j'avais reconnu que vous aviez raison, et pourtant, j'avais ronchonné, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ce truc-là? J'y crois pas, parce que moi, j'expérimente, dans ce que j'expérimente, je peux mettre de la stratégie où je veux, avec qui je veux, et j'y arrive toujours. Et en plus, comment dire, je peux le faire de manière embêtante ou pas, intrusive ou pas, vis-à-vis de l'expérience des autres joueurs, et ça marche quand même. Donc je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Et ça veut dire que où se situe le jeu? Est-ce que la base a le moindre impact sur où se situe le jeu, le niveau de jeu et les caractéristiques du jeu auquel je joue? Et en fait, ça c'est le début de mes réflexions pour ce matin. Et j'ai une réponse assez claire dessus. Et voilà. Et en plus, deuxième point, j'ai aussi réalisé que quand j'expérimente plein de choses, c'est-à-dire que bah, en fait. je suis pas forcément d'accord avec certains constats que j'entends dans les podcasts. Alors, ça veut probablement dire que j'ai partiellement tort, mais il reste que j'ai quand même envie de poser mon opinion pour voir ce que ça donne. Donc, pour justement introduire ce deuxième aspect de mon problème, d'abord, justement, il y a l'aspect biblio dont tu mentionnais, c'est qu'en fait, récemment, encore récemment, parce que ça fait plusieurs années maintenant, il y a plein de débats super fertiles et intéressants qui sont diffusés. Alors, moi, je vais vous lister un peu les podcasts que j'écoute. Donc, il y a les podcasts de Radio Rôliste, naturellement. Donc, il y avait notamment récemment une discussion avec La Cellule où il parlait JDR traditionnel, un plaisir coupable, que j'ai trouvé assez éclatant à écouter. Il y a aussi plus ancien tous les podcasts de Sébastien Delfino sur en général ses techniques de jeu qui sont extrêmement riches. Ouais, qui sont hébergés maintenant sur un blog à lui, hein, ouais, Carnet ludographique. Exactement, et ça, comment dire, absolument génial. Après, naturellement, dans la deuxième série de podcasts que je regarde et que j'écoute, il y a La Cellule. Donc dans les trucs récents, en fait, il y avait celui sur les concepts hérités de The Forge. Il y a celui sur le jeu La Liberté, celui sur la structure. Il y avait même le podcast One Shot Warhammer que je trouvais aussi assez éclairant, notamment par rapport à ce qu'on va dire plus tard. Donc là, je tease un peu, mais suspense, vous allez peut-être voir pourquoi. Je vous souhaite. Ensuite, il y a aussi naturellement les podcasts d'Altarid, où dans les trucs récents, il y avait sur une culture de la question, Anarchie en JDRI, où toute partie jeu de rôle est-elle une trahison qui, voilà. Tous les autres sont aussi intéressants, mais là, j'ai mentionné surtout les plus récents, parce que je suis un feignant, qui me paraissaient intéressants. Je pense qu'Anarchie en JDRI et toute partie de jeu de rôle est-elle une trahison, c'est ce qui va se rapprocher le plus de notre débat, en fait. Je pense aussi. Même si, en fait, comment dire, dans tous ceux que j'ai mentionnés, il y a une partie avec des remarques et des commentaires où je pense que ce qu'on va dire est pertinent. Ouais. Voilà. Et naturellement, il y a un obscur podcast qui s'appelle Outside, je sais pas quoi, Outsider, là. C'est Victor, c'est tout le temps lui, là. Il crie au télémicro. Ouais. Et donc voilà, et qui sort des trucs super intéressants. Et notamment, il y en a un qui m'a frappé très fort. Hein, c'est le Intensité et Profondeur, où je me suis dit, mais c'est génial. Et plus ancien, il y avait un podcast qui s'appelait Les Anciens et les Nouveaux. Les Anciens et les Modernes. Désolé, j'ai fait une typo. Et là, en fait, comment dire, j'ai ma propre manière de voir les choses et je vais pas forcément être très consensuel dans ma manière d'en parler. Et donc, en fait, dans tout ça, j'entends plein de propos qui sont super pertinents, super intéressants. Donc, globalement, je suis d'accord avec 80% de ce qui se dit. Hein. Voilà. Par contre, je me retrouve pas dans certains topics. Donc, par exemple, quand on parle de JDR traditionnel et de JDR à large partage d'autorité, narrative au vegan, ce que tu veux, etc., moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Et donc, en fait, c'est des termes, vu qu'en fait, eux-mêmes, dans les différents podcasts, ils n'arrivent pas à donner de définition qui soit solide, parce qu'eux-mêmes, ils donnent une définition et 2 minutes après, ils disent « Ah ouais, mais ça marche pas », parce qu'il y a toujours un vieux jeu des années 80 qui casse le truc, qu'ils essayaient pour essayer de couper des cases. Ben, oui, puis voilà. c'est des termes qui sont de toute façon, après, de la subjectivité, tu vas en trouver partout, mais c'est quand même des termes qui sont profondément subjectifs. Exactement. Mais par contre, justement, je viens de critiquer contre. Tout à l'heure, je vais quand même proposer moi-même des termes pour essayer d'être constructif sur cette segmentation, parce que je vois bien qu'il y a quelque chose, et je vais proposer ma propre terminologie, parce que je suis con, mais aussi parce que, comment dire, tu peux pas critiquer sans être constructif à un moment. Après, il y a aussi la notion de jeu dysfonctionnel, où moi, je crois pas, je vois pas ce que ça veut dire un jeu dysfonctionnel. Il y a des parties pourries, il y a des parties qui sont bonnes, mais par contre, comment dire, ça dépend pas de la base pour moi. Parce que tout simplement, on va voir pourquoi. Il y a aussi la notion. Toi, tu peux faire une bonne partie, même avec Fatal, quoi. Ah, mais j'en suis certain. J'en suis positivement certain. Comment dire? Parce que tout simplement, comment dire? Et pour moi, c'est une évidence. Mais tout simplement, ce que j'appelle bonne partie, peut-être que d'autres seront pas d'accord. Mais en tout cas, je sais que je vais bien me poiler, ça va être rigolo. Et en fait, on va jouer un truc qui sera inspiré de la base de Fatal. Alors, ceci dit, ça me fait penser à une remarque sur la culture pop. Je suis incapable de te dire d'où ça vient, mais c'est que tu peux apprécier n'importe quel film ou série. Tu peux apprécier n'importe quel film, que ce soit un blockbuster hollywoodien, un film dramatique norvégien ou un nanar de série Z, ou Plus belle la vie, du moment que tu adoptes le degré de lecture qui te permet d'apprécier, en fait. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, je vais te donner un exemple. Hein. Si par exemple Moi, ce que je préfère, c'est les films dramatiques, sérieux, un peu artistiques. J'ai peut-être apprécié un blockbuster hollywoodien parce que je vais les récupérer, je vais me concentrer sur les moments où il y aura des petits moments de drama dans le truc, et puis je vais un peu les digérer. Tu vois, je vais bosser dessus, quoi, dans ma façon. Et puis je vais regarder une novella brésilienne ultra mal jouée avec des ficelles énormes, et puis je vais apprécier. Mais vraiment au second degré, en me disant, et par rapport à ce que j'aime, c'est tellement différent que ça me fait rire de regarder ça, quoi. Et du coup, Exactement. en fait, finalement, ça dépend, la qualité de ton expérience dépendrait moins de la qualité de ce que tu regardes, ou alors on peut extrapoler ou au jeu que tu joues, quoi, que de ton attitude, en fait. C'est exactement ça, je suis complètement d'accord. Moi, tu vois, par exemple, pour la novella brésilienne, je pense que, voyons, moi, un truc qui est pour ce genre de spectacle qui peut m'intéresser, c'est d'essayer de deviner les dialogues avant qu'ils soient dits. Parce que, en général, si c'est mal joué et mal écrit, il y a souvent des trucs suffisamment parachutés pour que tu essayes de deviner, quoi. Ouais. Et naturellement, tu as le droit de boire ta croix à chaque fois que tu as trouvé deux, trois phrases. Donc voilà, je te remercie. Pour continuer sur mon intro qui est un peu longue, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, tous ces débats, et souvent, ils se concentrent sur une définition de terme, et j'ai pas l'impression qu'ils dépassent beaucoup, beaucoup la définition des termes et essayer d'être sur un même niveau de langage pour que tout le monde soit d'accord sur les notions. Et c'est vrai que moi, je vais essayer d'apporter ce matin une vision du jeu de rôle qui va être plus globale, plus holistique, et on va voir ce que ça donne. Et pour moi, en fait, ces sujets qui, pour moi, sont des marronniers, parce que finalement, on n'arrive pas à les trancher, ça reflète plutôt ce que croient chacun des personnes, leurs biais et leurs a priori sur le jeu, qui sont tout à fait légitimes et respectables. Mais par contre, justement, ça devient des marronniers parce qu'il n'y a pas les outils ou la vision des choses qui est adaptée pour les trancher tout simplement. Et donc, à partir de là, alors c'est hyper arrogant, j'espère apporter ma pierre à l'édifice ce matin. Voilà, Je pense que et donc là, il y a deux choses voilà, les ici. marronniers que je veux me faire, c'est qu'est-ce que c'est un bon jeu? Cthulhu, est-ce que c'est un jeu dysfonctionnel? Le sujet du joueur expert, le truc impossible avant le petit-déj, un bon menu bien copieux, pour moi, tout ça, c'est des trucs qui sont des non-questions qu'on peut trancher facilement. Alors, je pense que dans ces débats, en fait, il y a deux choses, en fait. Pourquoi des fois les marronniers échouent à apporter quelque chose C'est soit parce qu'on part sur quelque chose de hyper large, donc effectivement, par exemple, le jeu traditionnel contre le jeu expérimental, par exemple, où en fait on a pris quelque chose de tellement large que finalement on est incapable déjà on est incapable de se mettre d'accord sur une définition. Alors après, pour en débattre des mérites de chaque type de jeu, c'est impossible. Donc souvent, des fois, on va réussir à faire avancer le débat si on se limite à quelque chose. Par exemple, dire plutôt que de jeu traditionnel contre jeu expérimental, on peut dire les jeux à campagne longue contre les jeux en one shot. Tu vois, Ouais, je vois bien, ouais. là, on peut déjà plus discuter. Ou sinon, Que effectivement, il tu y a l'as ce que tu réduit à une proposes. dimension bien claire. Voilà, Cthulhu, jeu dysfonctionnel. Pourquoi il est dysfonctionnel? Ça peut être parce qu'en fait, il propose plusieurs niveaux d'aventure, pulp, enquête, horrifique, quoi. Et du coup, en fait, la question, elle revient plutôt à se poser. Est-ce qu'on aime les jeux qui ont comme ça plusieurs niveaux d'aventure, quoi, contre des jeux où l'équilibrage, il est vraiment indéboulonnable, il est toujours à peu près du même niveau, quoi. Et Ouais, moi l'autre c'est ce que façon j'appellerais des jeux de. super directifs, quoi, genre un toboggan, quoi. Ouais, voilà, ou sinon, juste équilibré d'une seule façon. Hein. À l'époque des facteurs de puissance dans Donjon Dragon 3.5, il y avait un peu cette idée-là que d'une partie sur l'autre, il fallait que l'équilibrage y soit assez proche, tandis que dans Cthulhu, en fait, il n'y a pas d'équilibrage. Et donc, l'autre débat, effectivement, en fait, on peut transformer le débat, je pense un peu comme tu le proposes, en déportant le regard des jeux pour l'amener sur les joueuses, quoi. Exactement. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, moi, j'ai une première question qui va être où est le jeu? Voilà, où est le jeu? Et en fait, c'est cette question, on va y répondre. On commence par ça? Le mieux, c'est qu'on suive le plan, parce que sinon on va D'accord. se perdre. Ok, c'est toi le chef. Alors à partir de là, pour la toujours, c'est du liminaire. Donc sur la grille d'analyse, on va quand même poser quelques sujets avant de répondre à où est le jeu. Donc il vous reste une page et demie à vous infuser avant qu'on y aille. Le premier truc, c'est qu'il y a le sujet du partage d'autorité. Alors il y a plein de choses qui sont très intéressantes qui sont dites. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un sujet qui me semble incongru. Pour la simple et bonne raison que dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, il n'y a aucun joueur qui a le pouvoir de forcer les autres à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Ce que ça veut dire, c'est que je ne connais pas de joueur qui a une autorité dont il abuse. Pour la simple et bonne raison que si je suis à une table avec toi, Thomas, et que tu me dis « ton joueur fait ça », si ça m'énerve, je me lève, je me barre, j'arrête la partie. Pour la simple et bonne raison que c'est ça. Donc il ne peut pas y avoir de partie avec abus d'autorité. C'est impossible. Parce que dans tous les cas, je te laisserai abuser. Et donc, ce sera pas un abus vu que je te laisse le faire. Ouais, alors, j'aime beaucoup cette proposition. C'est quelque chose qu'on avait un petit peu, qu'on avait pas mal abordé dans les anciens et les modernes. Hein. Le fait, c'est quelque part, l'idée, c'est de plutôt que de dire que la façon dont le partage de l'autorité se fait. C'est, entre guillemets, c'est pas vraiment dans les règles, c'est plutôt dans ce que dans comment ça se met en place dans la partie. Et effectivement, exactement, mais c'est parce que le jeu, c'est pas les règles. Il y a pas d'autorité sans consentement, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est plus les joueuses déjà qui se partageraient l'autorité que les règles en fait. Puisqu'en plus de toute façon, on va y revenir, mais les règles, elles vont préconiser, poser des préconisations. Exactement. Après, charge aux joueuses de les suivre ou pas. L'autre truc, bon, après on pourrait en discuter, hein, mais des abus d'autorité. Des situations coercitives, on en trouve dans la vraie vie, et je pense qu'on peut en trouver dans des parties de jeux de rôle, quoi. J'ai heureusement pas d'exemple vécu en tête, mais je pense que ça peut arriver d'avoir des personnes qui sont présentes là un peu contre leur gré, ou en tout cas qui vont subir. Qui vont subir des choses dans la partie sans protester. Mais en fait, elles le vivent mal, quoi. Là-dessus, j'ai aucun problème avec ça et je suis d'accord avec toi. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est-à-dire que moi-même, j'ai déjà été dans des situations où j'ai subi des choses qui ne me plaisaient pas. Il y a aussi des situations où j'ai vu des joueuses qui se faisaient un peu maltraiter. Le sujet, c'est qu'en fait, quand c'était moi, c'est parce que tout simplement, je choisissais de rester autour de la table et de continuer à participer au machin. Mais j'étais plus dans une situation de jeu. Dans le sens où, comment dire, là, c'est plus un sujet de conflit social et ouais. de relation de pouvoir. Mais par contre, dans une situation de jeu pur, je choisis de collaborer, toujours. Et donc, à partir de là, il ne faut pas mélanger deux choses, pour moi, qui sont, voilà. Un, d'un côté, une situation de jeu, deux, des relations humaines sur diverses et variées. Je pense que si tu vas à un tribunal des prud'hommes sur des sessions publiques, tu peux entendre une série d'histoires d'horreur où, en fait, ça ne relève pas du travail. Tout à fait. Oui, donc c'est intéressant des situations qui sont malsaines au niveau de l'autorité. Tout simplement, on n'est plus en train de jouer. Donc on va les exclure de l'analyse qui suit, quoi. Exactement, parce que tout simplement, comment dire, là c'est plus sans une question. Sans pour autant les excuser, mais c'est juste que c'est pas le débat d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et par contre, moi, on va dire, je vais me permettre de donner un seul conseil. C'est si ça vous casse les couilles, si ça vous dérange. Vous vous levez, vous barrez. De base, c'est-à-dire que c'est le truc ultime, on ne peut pas vous forcer, point. Voilà. Ensuite, après, il y a un deuxième sujet qui sera la détermination ou l'indétermination. Donc là, c'est plutôt sur les sujets relatifs aux trucs impossibles avant le petit-déj et ce genre de choses-là. Et en fait, pour moi, là, c'est une notion qui est vachement plus compliquée. Dans le sens où, c'est dur à voir quelle est la mesure où l'émergence doit diriger l'histoire. Alors juste, j'avais noté un truc avant que tu démarres ça, c'était pour revenir à ces notions de partage d'autorité. Il y avait l'idée que Le partage d'autorité, c'est quelque chose soit qu'on définit en avance, Ouais. soit par les règles, soit par le contrat social. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toujours ce que j'appelle la négociation permanente, quoi. Le contrat social, c'est au début de la partie ou au début de la campagne. Mais en fait, ça peut toujours être négocié. Soit on interrompt la partie, on discute, ou on fait à la fin, quoi. Ouais, je t'avoue que moi je crois vraiment qu'on est en négociation permanente tout le temps. C'est juste que, comment dire, t'en fais une grosse partie au début, soit en disant bah c'est ces règles-là qu'on va appliquer, soit en discutant aussi avec les gens, le machin, qui ramène à bouffer, qui est des trucs tralala. Mais par contre, normalement, on doit être en négociation permanente. Alors ça, c'est pas évident à toutes les tables, parce que t'as la notion de rupture de jeu qui est pas toujours bien vécue et tout. Donc c'est quelque chose. La négociation, moi généralement je le fais que quand je sens que la situation devient assez problématique, et donc là j'interromps le jeu, puis et on renégocie quoi. Donc on accepte souvent une certaine dose d'inconfort avant de repasser en négociation permanente justement. Ouais, moi je t'avouerais que par exemple un truc que je fais très fréquemment dans un jeu avec un MJ machin etc. un peu classique, ce que je dirais c'est qu'en fait le MJ décrit une situation et moi en fait comment dire avant d'agir avant que mon personnage agisse je décris peut-être un élément complémentaire de décor sur lequel je m'appuie parce que ça va être intéressant pour mon propos. Donc à partir de là je dis et en plus il y avait une table à côté, je prends une bouteille, je la casse et puis je commence à l'attaquer avec le tesson. Le MJ l'a jamais décrit. Si ça lui dérange, il va me dire il n'y en a pas. Mais par défaut, je postule qu'il y en a une. Et en fait, ça, c'est de la négociation permanente. Ça se fait sans problème. Et, parce que tout simplement, comment dire? Alors Oui, là, c'est une ça situation de jeu classique, c'est et de la pourtant, je viens négociation permanente, d'intervenir. entre Voilà. guillemets, qui reste intradiégétique, hein. C'est pas du méta, quoi. En fait, du coup, moi, ce que je parlais, c'est Exactement. de la négociation permanente en méta, mais ce que tu dis est tout à fait valable. Voilà, mais après, une autre manière de négocier, je commence à blêmir et à faire la gueule et tout, etc. En fait, j'initie la négociation. Si le mec tilte pas, à un moment, ça va être quelque chose. Mais par contre, de base, j'affiche sur ma face que j'ai un problème. Après, les mecs, soit c'est des êtres humains, soit ils sont un minimum empathiques et ils comprennent, soit sinon, bah, de toute façon, ça va escalader. Ouais, voilà, où il y a le simple fait des fois de checker en fait de temps en temps, tu demandes au groupe si ça va quoi. Et puis Exactement. du coup il y a un qui dit oui tout va bien, sauf que là je trouve que nos persos sont séparés, j'aimerais bien qu'on se regroupe un peu, tu vois. Exactement. Et en fait, il y a des manières de négocier qui se font soit en interrompant la diégétique, soit intégrer dedans. Parce que tu peux très bien dire, tu vois, tu racontes que ton perso, il commence à avoir une crise d'angoisse parce qu'il se sent un peu isolé et qu'il aimerait bien pouvoir discuter avec ses potes. Et là, tout à coup, c'est le personnage qui vient de l'exprimer avec la voix dans sa tête. Tout le monde l'a entendu. Tu as commencé la négociation et en même temps, tu es dans la diégèse. Il y a plusieurs manières de faire. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que c'est facile de donner des leçons comme ça le matin, machin, mais il reste que, comment dire, Ouais, tout comme ton c'est avant tout perso une peut pratique et un carrément sortir apprentissage. son téléphone et puis appeler les autres persos pour faire une réunion, quoi. Exactement. Par exemple, quand je joue à Shadowrun, moi, en général, j'ai toujours la fenêtre de chat où je décris les icônes et ils ont les émoticônes et les blagues pourries que je fais, les lolcats que je poste sur mes potes pendant la partie. C'est-à-dire que quand je fais un run de Shadowrun, je suis en permanence en train de troller sur le chat du groupe, en envoyer des lolcats. Ouais, et puis du moment où tu le fais pas, c'est que ton perso a un problème, qui est en train de se faire bouffer par une Exactement. CI. Exactement. Et puis donc, en fait, quand il y a une situation pour les personnages, ben, il y a peut-être un lolcat dont je raconte des conneries, et ma manière de déconner, c'est de décrire, c'est d'envoyer des photos. Je décris des photos de lolcats qui pourrissent la situation. Donc, la détermination. Ouais. Et donc, ouais, en fait, alors je reviens sur la détermination, l'indétermination. En fait, c'est dans quelle mesure, bah, c'est l'émergence qui doit diriger l'histoire. En fait, c'est ça cette question. Parce qu'au final, y a les trucs d'impossible avant le petit-déj, machin, etc. En fait, la question, c'est s'il y a une histoire qui est hyper précise ou pas, qui a été écrite d'avance, à quel point ça doit cadrer et forcer les joueurs, les joueuses. Bah, alors, moi, en fait, comment dire, déjà, c'est un truc qui est hyper complexe. Donc, je vais surtout baliser deux situations. Je vais vous donner deux situations pour moi extrêmes. Donc, soit l'histoire elle est intégralement écrite et à ce moment-là, les joueuses elles n'ont rien à faire autour de la table, elles n'ont qu'une performance d'interprétation. Elles n'ont pas à dire quoi que ce soit, ça a été écrit. Elles n'ont pas à faire aucun choix d'action parce que c'est déjà fait pour eux. C'est comme une pièce de théâtre, mais super scriptée. Parce qu'en plus sur une pièce de théâtre, normalement les acteurs ont certains choix dans leur interprétation. Voilà. L'opposé. Donc, si on veut balayer dans l'autre bout du spectre des possibles, bah, en fait, c'est une histoire qui est intégralement improvisée en temps réel, sans aucune règle, sans aucune contrainte. Et donc, voilà. Et en fait, ça, c'est pour moi, en fait, dans la détermination ou l'indétermination, c'est, il peut se passer n'importe quoi entre ces deux situations. Là-dessus, je n'ai pas de problème. Pour moi, je dirais que c'est avant tout un parallèle à faire avec la vie réelle, dans le sens où, dans ta vie, Thomas, il y a certains aspects de ta vie que tu peux choisir de maîtriser, comme par exemple ne pas manger trop gras ou sucré, ne pas boire d'alcool, dormir à des heures régulières, etc. Et en fait, cette maîtrise que tu as de tes actions a des conséquences sur ta vie. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être gros, mais tu auras tendance à être moins gros. Ça ne veut pas dire que tu vas être en bonne santé, mais tu auras tendance à être en moins bonne santé. Parce que tout simplement, il y a un deuxième aspect de ta vie que tu ne peux pas maîtriser. Par exemple, je vais dire des trucs horribles, mais attraper un cancer, tu ne peux pas faire quoi que ce soit qui vont te garantir que tu n'auras pas de cancer. Ça fait partie des choses d'aléatoires que tu ne peux pas maîtriser. Et pour moi, c'est un parallèle à faire avec la détermination et l'indétermination. La détermination, c'est la partie du jeu sur laquelle, toi, en tant que joueuse, tu as une maîtrise. C'est tes actions auront des conséquences sur lesquelles tu as un contrôle. L'indétermination, c'est la partie qui est en fait, elle, sur laquelle tu n'as pas de maîtrise. Et où à partir de là, ça peut émerger, ça peut bouger dans tous les sens, et c'est comme ça. Et donc, quand tu as un scénario super scripté, en fait, techniquement, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer quoi que tu fasses. Et pour info, j'estime que les joueuses aussi peuvent apporter de la détermination. Moi, je sais quand je joue, ça m'arrive souvent d'avoir un programme. C'est-à-dire que pour mon personnage, j'ai prévu certaines scènes, j'ai prévu qu'il fasse certaines choses, tu vois, avant même de savoir quel est le casting des autres persos, quel est le scénario, tout ça, j'ai déjà prévu des choses pour mon personnage, et assez souvent, je les casse. Donc du coup, c'était juste pour préciser que la détermination, c'était pas uniquement l'apanage du MJ, quoi. Ah mais là, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, il y a une grosse partie de détermination qui est toujours à la main des joueuses. Ne serait-ce que par défaut, par essence, elles ont la détermination de leur personnage. C'est-à-dire, si elle dit mon personnage se lève et va aux toilettes, bah, il se lève, il va aux toilettes, point. Il y a peu de jeux en fait, où elles perdent le contrôle de leur personnage. Dans ce que tu dis, c'est que du coup, la détermination, ce n'est pas uniquement la préparation. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce qui a été écrit à l'avance avant que la partie commence, quoi. C'est aussi finalement tout ce que tu décides, même si tu le décides 30 secondes à l'avance, tout ce que tu décides un tout petit peu à l'avance de le faire, c'est de la détermination, quoi. Voilà, mais de toute façon, ce qui a été écrit à l'avance, ce n'est pas le jeu. Le jeu, c'est la période qui est autour de la table avec le groupe de joueuses à faire la partie. Donc à partir de là, ce qui a été écrit avant, si tu choisis de t'y soumettre, soit, si tu veux forcer les autres à s'y soumettre, débrouille-toi. Mais après, c'est comme ça, quoi. T'es pas obligé. Donc là, en fait, on a défini un paramètre. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui va revenir plus tard dans la discussion. C'était là, on pose juste une définition. Je ne sais pas si on a quelque chose à en déduire tout de suite. Et donc, tu voulais parler aussi de... La temporalité relativement à l'autorité et à la détermination. Parce que ça, le doliprane, il commence à tomber là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, et l'autorité et la détermination, il y en a une partie qui est faite avant la partie, il y en a une partie qui est faite pendant la partie. Alors, ce qui est fait avant la partie, c'est les règles de jeu. Les règles de jeu, pour moi, c'est des règles au sens large. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est la base avec le système de résolution, comment est partagée la narration, le scénario, l'univers, la campagne, tout ça, pour moi, c'est des règles. Parce que c'est les règles qui vont cadrer la partie. Et ça, en fait, c'est des choses qui vont avoir un niveau de détermination et de partage d'autorité avant la partie. Et après, il y a ce qui est en négociation permanente, en ajustement permanent, donc aussi bien en termes d'autorité ou de détermination, qui finalement est la vraie partie, qu'est-ce qui se passe pendant et qu'est-ce que les joueurs acceptent de faire. Donc là, ce qui se passe avant, c'est à la fois la base, le scénario quand il y en a un, et est-ce que c'est aussi finalement ce que le MJ et les joueuses ont préparé en avance? C'est ce qu'ils ont préparé, et alors je vais en rajouter une couche, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on trop... Ça fait partie de la base, qu'en fait, de dire que à chaque partie, on a une base différente. Ah oui. C'est-à-dire que la base, c'est justement c'est cette partie d'autorité et de détermination qui a été préparée à l'avance, qui est la somme du jeu, plus du scénario, plus de ce qu'ont préparé le MJ et les joueuses. Et plus encore, pour moi, de deux, trois autres trucs. Alors, je n'ai pas préparé le truc, donc là, j'improvise. C'est aussi l'expérience des joueuses. C'est-à-dire qu'une joueuse qui a une partie au compteur et une joueuse qui en a 10 000, elle n'arrive pas avec le même bagage. Et après aussi, il y a l'interpersonnel des gens, leur humeur, le machin, etc. C'est-à-dire que si j'arrive en étant mal luné, je ne suis pas pareil que si j'arrive avec ça. Et si j'arrive à une partie où il y a un mec que j'aime bien et un mec que j'aime moyen, bah, c'est pas pareil. Donc ça, on se rapproche un petit peu de ce que Romaric Briand définit comme étant le système, parce que souvent, quand il dit le système, c'est pas uniquement la base type la base écrite, c'est justement la base plus tout ce qui préexiste à la partie. Donc effectivement, c'est la base plus les joueuses, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'en fait, pour le suite de notre propos, je te propose qu'on utilise la base, c'est le bouquin, avec le c'est le Ouais, bouquin tout à 2, fait. le jeu, c'est la partie. On va essayer. Voilà. Et on va essayer, parce que je suis d'accord que le biais, on a trop l'habitude de dire le jeu pour le bouquin de jeu. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc voilà, alors pour alors donc maintenant, enfin, vous allez avoir la question où se situe le jeu de rôle? Alors, parce que je suis pas un grand poète, on a été long avant, là on va être court. C'est simple, le jeu, il n'est pas dans la base, le jeu, c'est dans la partie avec le regroupement de joueurs. Point. Pour moi, il n'y a aucun débat, c'est purement ça. Thomas? Attends, je te laisse finir. Il y a Victor qui se réveille de sa sieste, tranquillement. Il va bien? Ben ouais. Alors, Voilà, et donc alors. ouais, effectivement, donc la base, le jeu n'est pas dans la base, il est Il est dans le dans le regroupement de regroupement joueuses. des joueuses. Voilà. Et pourquoi? Alors, je vais quand même argumenter un peu. Et alors, vous êtes. Voilà, c'est que le jeu tout seul, il y a pas de partie sans, y a pas de partie sans la base de jeu. Et avec juste la base de jeu, pardon. Voilà. Alors que les joueuses, elles peuvent faire une partie sans base. Il n'y a aucun problème. Donc, tout simplement, la base est absolument pas un requis. Et le jeu de la partie de jeu ne se déroule pas dans la base. Point. Donc, ce que ça veut dire, ben, c'est que en fait, cette base, elle contient un cadre de jeu formel. Elle contient le cadre formel du jeu, ce qui est écrit. Et en fait, il faut se méfier, parce qu'il y a souvent une illusion, telle que je le perçois, que il y a l'auteur de la base qui a un pouvoir sur la partie, alors qu'en fait, dans les faits, il n'en a aucun. Mais il a autre chose, hein. Donc on va essayer de creuser un peu sur ce qu'il a d'autre, notamment dans la partie où on va essayer de se dire, en découlant de notre propos, quels sont les conseils qu'on peut mettre sur comment dire, les apprentissages qu'on peut retenir sur ce qu'il y a dans une base et comment on l'a structurée. Mais par contre, il n'a pas de pouvoir sur la partie. Et en fait, il est séparé de la partie. Ouais, tout à fait, ouais. Parce qu'il est absent de la table, tout bêtement, quoi. Exactement. Exactement. Et si on joue, je sais pas, un jeu de rôle des Terres du Milieu, si j'ai envie d'appeler Gandalf Gandolf, j'ai le droit de le faire et je le fais. Ouais, c'est voilà, c'est pas du monde. Tu le Je vois fais si tu mal joues, Tolkien, si je tu vois les mal Tolkien acceptes, venir quoi. mettre une droite. Ouais, exactement. Tolkien, non, mais si t'as des djihadistes à ta table, oui. Exactement. Djihadistes tolkieniens, bien sûr. Bien sûr, mais sinon, s'ils ont envie de se barrer, qu'ils se barrent, il n'y a pas de problème, on fera autre chose. Et donc, la question, c'était justement pourquoi ça méritait qu'on en parle, quoi. Bah oui, pourquoi ça mérite? Bah parce que tout simplement, souvent on entend bah c'est la faute de la base si la partie n'a pas été fonctionnelle. Si voilà, le jeu n'est pas fonctionnel, regardez dans la base, c'était pas marqué ci, ou il y avait ça, et c'était pas clair. Ou alors, je sais pas, il y avait une intention, ils exprimaient pas d'intention, alors que c'est un jeu qui clairement fait du narrativisme ou du je sais pas quoi. Et donc en fait, voilà, le jeu n'est pas fonctionnel. En fait, comment dire? C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que le jeu, c'est dans les joueuses. C'est les joueuses qui font le jeu. Si elle n'est pas fonctionnelle, c'est avant tout à cause d'elles. Elles peuvent toujours ajuster, négocier, aussi bien le partage d'autorité que la détermination entre elles. Et donc, en fait, une partie qui est moisie, ça relève toujours de la responsabilité des personnes autour de la table. Je trouve que c'est trop facile d'accuser la base, alors que c'est plutôt les personnes autour de la table qui sont responsables de ce qui s'est passé. Bah, y compris d'ailleurs finalement dans le choix de la base. C'est-à-dire que si on se met à jouer à un jeu médiéval fantastique et puis qu'à la fin de la partie tout le monde se dit oh, c'était nul, le maître fan on aime la SF, bah c'est qu'il fallait choisir un jeu SF dès le départ, quoi. C'était ballot. Voilà. Et donc en fait, mais ça on va en parler un peu plus encore quand on va parler des requis. Mais donc toujours c'est du teasing là. Moi j'adore. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, quand tu as une partie qui commence à être dysfonctionnelle, il vaut mieux faire évoluer le paradigme de la partie directement en live. Tu sais, la pratique, en fait, souvent, les vieux joueurs, les vieilles joueuses te disent ouais, bah, on met les règles maison, on ajuste le truc, on a la base, et puis on met les règles qu'on veut pour que ça fonctionne. Bah, c'est juste des gens qui ont tout compris, dans le sens où, comment dire, il y avait un truc, ils avaient une base, ils l'avaient compris d'une certaine manière, ça leur convenait pas, ils ont ajusté. Et comme ça, au moins, ils passent des bonnes parties. C'est ce qu'il faut. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'après, un autre point, tous les joueurs qui vont écouter, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, elles ont peut-être eu des parties dysfonctionnelles. Je ne leur souhaite pas, mais c'est possible. Ce qu'il faut voir, c'est que si les parties, elles les rejouaient exactement, elles étaient au début de la même partie. Ah, tu permets, je vais t'interrompre parce que là, je viens d'avoir une pensée, en fait. Souvent, ce qu'il y a dans les théories forgiennes, en fait, c'est vraiment une notion de rapport à l'effort. Et à l'investissement de ton énergie, en fait, où est-ce que tu dois investir ton énergie? En fait, le propos de système Does Matter, c'est que la joueuse n'a pas à investir son énergie dans la réussite, par exemple, dans le house ruling, dans le fait de créer des règles maison. Et il y a plein de débats, notamment le débat autour du jeu en mode auteur, quoi, qui porte en fait uniquement sur le fait que la joueuse se dit ah « bah, je pourrais faire que la partie convienne à mes attentes, mais il faudrait que j'investisse mon énergie dans tel aspect et j'ai pas envie de le faire ». Ouais, moi je suis pas dans une logique de consommateur, c'est-à-dire je plug et j'en play et en fait comment dire j'ai le truc où j'ai pas à faire d'effort. Moi ce que je veux avant tout, c'est le problème, si tu veux, c'est que ces théories là. Le risque, c'est de se faire formater l'esprit par ces théories. C'est-à-dire qu'à force de lire qu'en tant que joueuse, tu n'as pas à faire d'efforts pour faire du house ruling pour que la partie soit intéressante, si tu te rends compte que tu es obligé de le faire pour que la partie soit intéressante, bah, tu vas te refuser à le faire quoi, en disant bah non, j'ai pas à le faire. C'est le terme technique, c'est compenser. Compenser, c'est tout ce qui regroupe du fait de trahir la base pour réussir à avoir une bonne partie. Quoi. Une partie qui c'est un terme qui a un gros jugement de valeur. Voilà, mais c'est vraiment la lecture qu'il faut en faire, je pense, c'est vraiment la question que se pose en fait System Does Matter, c'est qui doit dépenser de l'énergie pour la réussite de la partie. Et en fait, quelque part, System Does Matter, il a tout misé sur l'auteur. Quoi. C'est l'auteur qui doit se casser le cul pour que la partie soit géniale. Et les joueuses, il faut que la partie soit géniale, même si elles font l'effort minimum. Moi, tu vois, je vais te dire, comment dire. Alors, j'ai deux réactions à ça. C'est-à-dire que l'auteur, j'attends qu'il soit autour de ma partie pour me corriger ma partie. Sinon, il n'a pas fait son boulot. Le deuxième point, c'est que pour moi, en fait, la partie fonctionnelle, c'est comme la liberté. La liberté, tu la ressens que quand tu t'es un peu battu pour l'avoir. Parce que sinon, c'est pas vraiment de la liberté, c'est quelque chose, c'est un acquis et c'est les bases de ton système dans lequel tu évolues. Et en fait, tu n'as pas combattu pour la gagner. Et alors, la partie fonctionnelle, c'est pareil, c'est un effort. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait ce qu'il faut pour avoir une partie fonctionnelle. Sinon, par défaut, t'as ce que tu mérites d'avoir. T'as pas fait d'effort, t'as ton machin. Mais d'ailleurs, je vais prendre un autre exemple. Je pense à la peinture. Comment tu peux aller dans un musée et passer devant des œuvres, des super œuvres d'art. Mais si tu fais que passer devant comme ça, sans y prêter trop d'intention, si tu fais pas l'effort en fait de t'arrêter vraiment 5 minutes devant le tableau et te plonger dedans et puis d'essayer de t'en imprégner, t'apprécieras pas en fait. Ça peut être une super œuvre d'art. Bon, encore une fois, j'estime qu'il n'y a aucune œuvre d'art qui soit géniale de façon objective. C'est forcément par rapport à des personnes. Mais de toute façon, encore une fois, il y a quelque chose dans l'attitude qui est de même si la base est vraiment super, c'est-à-dire super dans le sens où elle colle complètement à tes attentes. Mais que toi tu fais pas l'effort de l'apprécier, que tu roules un peu dessus, en fait, bah de toute façon ta partie elle sera mi-raisin quoi. Si Exactement. Tu fais pas l'effort de t'en imprégner quoi. Alors je vais faire un caveat horrible, je m'en excuse, mais en fait j'aime beaucoup En fait, ça m'a percuté cette semaine quand j'écoutais un truc. C'est que au final, en allemand, l'œuvre d'art, ils appellent pas forcément ça œuvre d'art, ils appellent ça travail d'art. Et en fait, comment dire, il y a vraiment une distinction en termes de mots entre œuvre d'art, où il y a vraiment une notion de talent qui transparaît aussi, qui est induite en français, et qui est le travail d'art, qui lui, par contre, représente juste le travail pour produire le produit fini artistique. J'essaye de ne pas utiliser le mot œuvre. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'au final, comment dire, ça permet de nettoyer un peu le prérequis, disons, l'implicite culturel en français où tu dis œuvre d'art aussi bien pour un truc qui matérialise du talent que quelque chose qui matérialise du travail. Et c'est un peu quelque part dire que l'art, c'est la somme du travail de l'artiste et de quand l'œuvre, ce serait la somme du travail de l'artiste et de la réception du public. Ouais, alors là-dessus, je vais faire encore un petit caveat. Je vais vous lancer des trucs rigolos qui sortent un peu de la sphère rôliste. Mais vous allez sur le site du Collège de France et vous téléchargez les podcasts de Pierre-Michel Menger sur Qu'est-ce que le talent ? Alors, à chaque fois, c'est 2 heures. Il y en a 7 ou 8 en ce moment. Donc, il faut s'infuser ces 14-15 heures de trucs. Et vous allez voir, c'est un sociologue qui parle du sujet. Là, ça devient, comment dire, ça devient potable comme manière de penser. On écoute, c'est intéressant, quoi. Ouais, mais alors, ce que je voulais dire, du coup, c'est que, entre guillemets, l'effort qu'on va demander, que les joueuses peuvent faire pour améliorer la réussite, la qualité de leur partie, il va être à la fois dans l'émission, c'est-à-dire, on va lister un petit peu tout ce qu'elles peuvent faire, quoi, mais grosso modo, ça va être dans les règles maison, dans le roleplay, dans la négociation, et il va être dans la réception, c'est-à-dire avec quel degré de lecture de la partie elles vont adopter pour pouvoir passer un bon moment, à quel point elles vont s'imprégner de la partie, à quel point elles vont être attentives pour vraiment que ça soit un grand moment, quoi. Exactement. Alors désolé, j'ai fait une énorme digression qui a sûrement pété notre chrono, mais bon. J'ai vraiment insisté, j'ai plus qu'abondé dans ta digression en en faisant une sur ta digression, mais là tu nous as bien remis dans le cadre. Okay. Donc à partir de là, je reviens sur le truc, c'est aussi un autre élément, c'est-à-dire que sur les parties dysfonctionnelles, c'est-à-dire que tous les mecs qui nous écoutent, ils ont déjà eu des parties dysfonctionnelles. Si aujourd'hui ils étaient de nouveau au début de la même partie, elle ne serait plus pareille, parce que tout simplement, ce qu'ils ont appris par le caractère dysfonctionnel de la partie, ils essaieraient de le corriger en live et ils changeraient la chose. Donc, ce que ça veut bien dire, c'est qu'en fait, avoir une partie dysfonctionnelle, ce n'est pas une question de base, c'est avant tout une question aussi de lieu, de situation, d'expérience. Parce que c'est des choses qui sont déterminantes au premier ordre sur le caractère dysfonctionnel de la partie. Ouais, ou de nombre d'essais, quelque part, parce que c'est vrai que ce qui arrive des fois avec la philosophie système de Matter, c'est qu'on attend que la partie soit géniale, dès la première partie, quoi. J'achète un nouveau jeu, il faut que ma première partie elle soit géniale, quoi. Et du coup, il y a une notion de refuser un petit peu la courbe d'apprentissage. Exactement. Voilà. Alors qu'en fait, je pense que même un jeu génial, il faut quand même peut-être un certain nombre d'essais, d'erreurs, d'ajustements pour pouvoir vraiment l'apprécier, quoi. Exactement. Alors en fait, je vais faire un truc horrible. C'est que pour moi, c'est un peu comme Karl Popper et Feuerabend. Karl Popper, c'est un mec qui a une théorie d'épistémologie. Je sais peut-être pas le terme, mais bon, en tout cas, qui dit tu testes une théorie et en fait, tant que t'as pas d'argument pour dire qu'elle est fausse, elle est vraie. Et en fait, Feuerabend, il dit c'est bien gentil mon coco, mais en fait, toute théorie, c'est l'histoire d'un apprentissage avec des mecs qui ont posé une première théorie, ils se sont fait cracher dessus par les suivants pour faire la suivante, etc., etc. Et donc en fait, il y a un historique qui mène à la théorie. Et en fait, avoir juste un test pour dire oui, c'est faux ou c'est vrai, ça oublie l'historique. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, la partie dysfonctionnelle, elle te fait mûrir pour que les suivantes soient encore meilleures. Ok. Voilà, voilà. Donc ce que je dirais, c'est que, alors tout ce que je dis, moi-même, j'ai fait j'ai mon propre, comment dire, passif. J'ai mon casier judiciaire de joueuse, où il y a des parties où j'ai été vraiment limite. Comme des fois, j'ai aussi assisté à des parties où c'était limite. Voilà, voilà. Ensuite, un autre point par rapport à ça, toujours, pourquoi cette question de pourquoi le jeu est dans les joueuses et pas dans la base, c'est important. C'est par rapport au, là on va travailler sur le sujet les jeux traditionnels et les jeux à large partage d'autorité ou narrative au vegan. Ça, c'est des trucs que je trouve complètement ineptes. Alors c'est bien de le dire, maintenant je vais essayer de construire, comme ça on pourra aussi me critiquer, c'est bien. C'est qu'en fait quand tu écoutes les mecs qui parlent de ça, à chaque fois, il n'y a pas d'analyse robuste. C'est juste que ils font, ils parlent de partage de la narration qui a été arbitrée par les joueuses dans les jeux passés, et que la base explicitait pas qu'il y avait un partage d'autorité qui était possible. C'était pas écrit noir sur blanc. Le truc, c'est que pourquoi, moi, par exemple, cet aspect-là, je connais pas de base qui fixe exactement toutes les règles de contrat autour de la table, de comment les gens vont devoir parler, se comporter, etc. Et donc, techniquement, le partage d'autorité, c'en est un qui est flagrant, mais il y en a plein d'autres. Et ce truc-là, en fait, donc il n'y a aucun jeu, même dans les jeux récents, qui fixe toutes les règles de comment il faut se comporter. Donc, techniquement, ils ont les mêmes limites que sur d'autres aspects que sur le partage d'autorité. En sachant qu'en plus, cet aspect-là, pour moi, en fait, vouloir dire que les jeux à large partage d'autorité s'opposent aux jeux traditionnels, c'est une volonté de décréter un progrès, comme s'il y avait eu un progrès dans la manière dont les jeux sont faits maintenant par rapport à ce qui c'était avant. Le problème, c'est que utiliser en créant un terme pour décréter ça, pour moi, je le prends comme un aveu d'impuissance à faire un réel progrès. Et là, ce que je viens de dire, c'est assez méchant. Donc, je m'en excuse. Mais je m'en excuse pas, j'assume. Mais en tout cas, voilà. Et ce que je dirais, c'est que pour moi, il y a la vraie évolution, telle que je la définirais, c'est que tu as les jeux qui sont plus ou moins formels dans ce que les joueurs ont besoin d'avoir comme requis, comme condition pour profiter de la partie. Et donc, quand tu prends un jeu qui a été rédigé par Gary Gygax ou dans les années 70-80, les mecs, en fait, ils posaient un système de réalisation, un cadre, et après, en implicite, il y avait plein de choses. C'est tu dois être poli, tu dois t'asseoir à table, tu dois répondre un peu quand on te parle, etc. Tu dois vouloir avoir envie de jouer un truc, de résoudre le scénario, de faire ci, de faire ça. Et maintenant, les jeux plus récents, ils ont tendance à préciser plus les choses en disant si vous êtes plutôt un joueur qui est intéressé par du jeu moral, si vous êtes plutôt un joueur qui aime bien faire de l'ASF, des machins, des trucs, si vous êtes un joueur qui aime bien des phases d'enquête, si vous êtes une joueuse qui aime bien la tragédie, qui aime bien l'épique, tout ça, etc. En fait, ils vont commencer à le formaliser. Et en fait, pour moi, la vraie scission, elle est là. C'est-à-dire qu'on est dans des jeux qui maintenant formalisent beaucoup plus ce qui est attendu de la joueuse pour qu'a priori elle profite de la partie. Bah, quelque part, on est sur des bases qui font un casting. Ils font presque un casting de joueuses quoi, à l'entrée. Quoi. Enfin, l'expression est peut-être mauvaise, mais c'est des bases qui essaient un peu de faire le tri au départ. Quoi. Exactement, et c'est mieux parce que je pense que ça matérialise le fait. Ben je crois que c'était pour Polaris, où quand il décrivait le jeu, il disait « Vous aimerez le jeu si… » puis il propose telle condition, et « Vous n'aimerez pas si vous êtes plutôt tel profil de joueuse. » Exactement. Et là, en fait, on a fait la transition sur la partie suivante, c'est qu'est-ce qu'il y a dans une base qui est en relation avec le jeu. Parce que si le jeu, c'est les joueuses, c'est-à-dire que la base, est-ce qu'elle a rien à voir ou est-ce qu'il y a un truc à voir? En fait, on va proposer une réponse sur qu'est-ce qui relie la base à la partie de jeu. Ouais. Et donc, pour moi, en fait, la base, ça contient tout ce qui est formalisé vis-à-vis du jeu. Donc, c'est pour ça qu'au sens large, il y a l'univers, le système de résolution, les scénarios, et quelques descriptifs aussi qui font le casting. Il y a le truc, le rôle du videur à l'entrée de la boîte de nuit, quoi. Donc ça, voilà. Et donc en fait, tout ça, ça correspond à ce qui peut être déterminé par écrit dans la base. Il peut y avoir ce qui est déterminé en termes de partage d'autorité, en termes de détermination de la partie. Même si c'est pas obligé que les joueuses l'acceptent, il y a des choses qui peuvent être écrites. Après, c'est maintenant, pour que ça rentre dans la partie, il faut que les joueuses l'acceptent. Voilà. C'est ça. Ensuite, il y a un deuxième aspect. Merci, Victor. Il y a un deuxième aspect. C'est cool. Il y a un deuxième aspect dans la base qui est en relation avec la partie, c'est les requis pour les joueuses. Alors, ce que j'appelle requis, c'est un terme à moi, donc je pense que ce n'est pas forcément le bon. Mais pour l'instant, c'est celui que je vais défendre. C'est les cases à cocher pour profiter de la partie. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, si je suis allergique à des jeux de SF, autant que la base me dise que c'est un jeu de SF, comme ça, je sais que je passe mon chemin. Si la base dit que c'est un système pour jouer une tragédie post-apocalyptique, et que moi, j'ai pas envie de faire du tragique, j'ai envie de faire de l'épique, au moins, je le sais. En fait, comment dire, les requis, c'est l'ensemble des conditions. Euh... J'ai l'impression qu'il est d'accord avec moi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. C'est, en fait, c'est, voilà. C'est les conditions que tu as besoin pour. Faut que tu correspondes un peu aux requis pour avoir une chance d'apprécier le jeu sans le modifier, quoi. Selon l'auteur, exactement, voilà. C'est ça. Sachant que ça, c'est un peu le parti pris qui est pris par ce que j'appelle les jeux intenses. Mm-hmm. Justement, d'avoir des requis à très ciblés. Je pense que c'est aussi parce qu'ils cherchent l'intensité. Voilà, et ils cherchent vraiment une spécificité d'expérience, quoi. C'est on va faire tel type de choses, quoi. Et les jeux profonds, en fait, prennent le parti inverse de dire, bah, attends, plutôt que de fermer la porte à un maximum de joueuses pour que ça se passe bien, nous, on laisse la porte ouverte à un maximum de joueuses en élargissant nos propositions, quoi. Donjons et Dragons au début. Surtout qu'à l'époque, de Donjons et Dragons, premier du nom, SF Fantasy, c'est pas encore des genres, même dans la littérature, qui sont tellement séparés, quoi. Et donc, en fait, avec Donjons et Dragons, tu pouvais faire de la Sword and Sorcery, tu pouvais faire de la High Fantasy, mais tu pouvais faire aussi de la science étrange, tu pouvais faire du space opéra, tu pouvais faire plein de choses, quoi. Et tu peux encore en faire, parce que quand tu regardes dans toute l'arborescence et tout, les dernières versions, au début, il y a peut-être un truc, mais au fur et à mesure, ils enrichissent et tu peux faire toujours un peu tout. Hein. Ouais, dans la base de la 3.5, il y a les règles pour les mitraillettes, par exemple. Exact. Donc ça, c'est le parti pris des jeux profonds, de dire, bah, on va limiter les requis, quoi. On va ouvrir un maximum la porte, et puis après, bon, c'est aux joueuses de personnaliser un peu leur expérience, quoi. Voilà. Et donc, je vais un peu couper dans ce que j'ai écrit dans le plan sur l'aspect maturité, parce que ça fait jugement de valeur. Ce que je dirais, c'est que il y a quand même un aspect, par exemple, je pense qu'on a tous été des joueuses débutantes. Alors, on a tous débuté un peu différemment, mais ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, sur sa première partie, une joueuse, elle va souvent vouloir modéliser des réactions ou des actions qu'elle aime bien faire, soit qu'elle aimerait bien faire. Donc ça peut être mettre une main au cul à la serveuse dans la taverne, voler une baguette de pain à la boulangerie, etc., etc. Et en fait, cet aspect-là, pour moi, c'est un peu une constante quand tu débutes, dans le sens où il y aura toujours que tu voudras expérimenter soit des choses que tu aimes vraiment bien, soit des choses que vraiment tu aimerais bien. Tu vas tester ta liberté d'action, oui, tout à fait. Ouais. Et qu'en plus, peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de faire, parce que tes parents t'ont toujours dit « mets pas de main au cul à la serveuse », et je le comprends. Donc voilà, et en fait, au final, cet aspect de requis sur la joueuse, il est aussi dépendant de, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter. C'est-à-dire que quand tu es plus jeune, tu veux expérimenter des choses qui t'intéressent toi, ou en tout cas que tu as envie de faire. Plus tu es âgé ou plus tu en as expérimenté, plus tu veux aller vers des choses différentes, soit plus profondes, soit plus raffinées, ça fait jugement de valeur, soit plus précises, soit sur d'autres domaines. Donc, par exemple, un joueur qui est beaucoup plus, on va dire, un bobo parisien, un télo, par exemple, avec la pipe et la barbe, etc., machin, il pourra peut-être expérimenter des conflits moraux. Alors, moi, quand je dis conflit moral, je vais donner un exemple, je vais troller. Ça peut être le conflit moral, Thomas. Est-ce que tu préfères être la femme de ménage dans un hôtel de DSK où il y a DSK qui dort ou il y a Ozzy Osbourne qui dort? Sachant que Ozzy Osbourne, quand il était défoncé, il tartinait les murs de caca et il essayait d'en jeter sur les femmes de ménage. Ah, je crois que je préfère encore me prendre du caca à la figure. C'est sûr, parce que par contre, t'as quand même le trade-off qu'après, t'as un procès et plein de pognon. Hein. Ouais, c'est vrai. Écoute, je vais me laisser le temps de la réflexion. Voilà, tu vois, ça, c'est du conflit moral, quoi. Zette, merde. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour reprendre et essayer de bien ancrer ce que j'ai dit, dans une base, normalement, il y a les requis sur les joueuses, qui sont en fait les conditions que doivent cocher les joueuses pour, selon l'auteur, profiter du jeu. Ouais. Voilà. Et donc, à partir de là, tout ça, ça fait partie des choses qui, pour moi, vont expliquer la plupart des marronniers. C'est-à-dire que le GNS, bah, ça pue. Tout simplement, c'est une partie des requis qui doit être formalisée pour les joueuses. Si par exemple tu es une joueuse qui veut faire du jeu moral, ben bien sûr dans le GNS t'as le truc moral. Si tu es une joueuse qui veut faire du jeu de la tactique, etc., ben bien sûr t'as le truc tactique. Donc une base qui dit moi je te donne des choix tactiques en pelleté, en machin, etc., et ben c'est parfait, c'est fait pour comboter. Même si y a rien qui t'empêche d'en rajouter ou d'en retirer quand tu vas choisir de faire la partie. le truc d'impossible avant le petit-déj, c'est-à-dire en fait, tu es frustré entre, t'es tiraillé entre le fait que tu voudrais pouvoir choisir des choses a priori, mais que les joueuses, elles ne vont peut-être pas les suivre, dans un jeu avec MJ, bah, en fait, pareil, ça fait partie des choses, en fait, des requis. C'est-à-dire, est-ce que les joueuses, elles ont envie de faire beaucoup d'émergence ou pas? Et à partir de là, ça s'arrête là. Donc en fait, pour moi, toutes ces questions qui sont des marronniers, c'est des non-lieux une fois que tu raisonnes comme ça. C'est des non-lieux, mais la réflexion mérite d'être intéressante parce que ça permet d'identifier des requis. Vu que les requis, c'est hyper important pour écrire une base qui marche. La base qui marche, c'est la base le plus simple, le plus clairement possible. Les joueuses vont comprendre ce que l'auteur veut leur proposer de faire et vont choisir. Et ça va coller à ce qu'elles veulent aussi. Même si sachant que l'approche de la GNS, c'était pas uniquement pour identifier des requis. D'ailleurs, dans le podcast La Cellule, là, Retour sur la théorie de la forge avec Christophe Beuclé et Romaric Briand, Christophe Beuclé explique que ça n'a jamais été fait pour écrire des jeux. Alors ça, c'est faux, hein, parce que je suis pas d'accord. Mais on retrouve des articles sur PTGB3B, les articles fondateurs de la forge, des théories 101, là. Il y a de John Kim et puis Ben Lehman, précise que c'est utile pour écrire des jeux. Et comment mais dire, effectivement, ça censé servir aussi pour se mettre d'accord entre joueuses, non pas sur des requis, comment dire, mais sur on aime bien jouer de telle façon, quoi. Et donc, à la rigueur, avec un jeu profond, c'est à toi de faire ta propre sauce GNOS selon comment t'aimes jouer, quoi. Exactement. Et en fait, là, moi, je pense qu'en fait, on est finalement d'accord sur tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avant tout un truc qui sert à identifier, à formaliser une grille de lecture pour qu'est-ce que les joueuses ont comme aspiration de jeu. Et donc, l'auteur, il peut s'en servir pour justement écrire une base qui va bien dire « Si tu as envie de faire ça, mon jeu, il va bien. Si tu veux pas faire ça, évite. » Voilà. Et donc, au final, on a tout ce qu'on veut. Et quand j'écoutais Romaric Briand et Christophe Beuclé, j'étais d'accord avec finalement cet aspect-là qui était que, dans un premier temps, comment dire, dépendamment de comment tu le voyais, tu pouvais trouver à boire et à manger et ça répondait à tous les sujets. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est vrai que moi, en fait, le GNS, la manière dont on en parle, souvent, c'est présenté avec un côté un peu bisounours, en supposant que le G, le N et le S n'ont pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, les aspirations des joueuses, elles sont équivalentes et on n'a pas une qui est meilleure que l'autre. Alors, sur l'aspect meilleur que l'autre, je suis d'accord. Mais sur l'aspect hiérarchie, la hiérarchie, c'est pas qu'une question de meilleur dans l'absolu. C'est qu'en fait, il y a aussi une question d'organisation du jeu. C'est-à-dire que pour moi, il reste que l'aspect stratégie, tu peux choisir de mettre l'emphase ou pas dessus, il y en a obligatoirement du moment que tu as des objectifs. Et pour moi, dans une partie jeu de rôle, tu auras toujours un objectif. Et donc, à partir de là, la joueuse ne pourra qu'être stratège plus ou moins fort. Mais d'un côté, je vous conseille d'écouter, de réécouter le tout début du podcast sur l'atomistique stratégie, vous comprendrez mon point de vue. Voilà. Et donc, en fait, comment dire, c'est ce côté bisounours de dire on veut pas faire de jugement de valeur, mais on en fait quand même avec des termes connotés. J'aime pas ça. Oh, mais tu peux mettre une. Alors, sur ta notion d'hiérarchie, bon, c'est sûr que si on prend ton regard qui est de. On place la joueuse comme étant une personne qui est là pour remplir des objectifs. Alors, je suis pas certain que toutes les joueuses soient là pour remplir des objectifs. Ne serait-ce que comment dire l'action pour en discuter parce que je suis pas sûr. Toutes les façons de jouer sont inféodées à une façon de jouer tactique qui est de on essaye de checker des objectifs pour réussir la partie. On a aussi par contre si on prend l'analyse du point de vue de la partie dans son ensemble. On a aussi le principe que on peut avoir des moments tactiques, moraux, esthétiques, sociaux. Oui, j'ai tout dit dans une partie, mais qu'au final, c'est un des atomes qui va prédominer. Tous les autres atomes ont servi en fait à le mettre en valeur, quoi. Genre, au final, moi, je veux un gros dilemme moral. C'est ça qui est le plus important. Sauf que dans la partie, il va devoir y avoir une mission à résoudre, un petit côté tactique. Il va y avoir des choses émotionnellement assez fortes, assez bien décrites, côté esthétique. Et puis, il va y avoir un gros moment de solidarité entre joueuses côté social. Mais tout ça, c'est pour que l'intensité du dilemme moral à la fin de la partie soit vraiment importante. Et Bon, c'est comment un dire exemple, hein. On pourrait là-dessus prendre dans n'importe quel autre sens, hein. Exactement. Et en fait, pour moi, en fait, cet aspect hiérarchique ou pas, etc., c'est surtout que, comment dire, dans le jeu où tu veux un gros dilemme moral, bah, tu viens de définir un objectif méta qui est avoir un gros dilemme moral. Donc, tu fais de la tactique pour optimiser le dilemme moral et qu'il soit vraiment gros, gros, gros. Alors attention, parce que par exemple, les objectifs, ils peuvent être cachés. C'est-à-dire que ça peut être le MJ qui a pour objectif de balancer un dilemme moral, et il cache cet objectif-là aux joueuses. Et du coup, les joueuses vont peut-être, elles, se concentrer sur la réussite de la mission, donc elles vont jouer vachement tactique, sans forcément voir venir le fait que le MJ, lui, il a un objectif qui est moral. Et là, on est en train de refaire le podcast sur le jeu stratégique, sur le jeu Ouais. tactique. Ouais, tout à fait. Mais comment Mais dire, c'était voilà. important parce que c'était important d'en parler parce que donc il y a les requis, il y a les objectifs de joueuses et je voulais juste préciser que les objectifs de joueuses ils sont différents d'une joueuse à l'autre. Exactement. Et en fait, et Et ça, par certains objectifs contre, sont secrets en fait. et ça, par contre, ça fait partie des sujets qui peuvent faire que la partie est pas très bonne. Parce que, indépendamment de la base qui doit être transparente sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle vise à faire, il reste qu'après, entre les joueuses, des fois, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées. Et par exemple, une joueuse MJ qui se dit, moi, je veux faire un conflit moral, même si tout le monde veut faire du jeu tactique, au bout d'un moment, si les gens ne sont pas un minimum joueuse sociale, ben, il peut y avoir un sujet. Hein. En fait, il y a une notion de prise de risque, souvent. C'est-à-dire que le MJ, dans notre exemple là, il se dit, je pourrais dévoiler à mes joueuses dès le départ que, au final, mon objectif, il est moral, de leur balancer un gros dilemme à la fin. Mais si je le fais, j'ai peur de atténuer l'effet, en fait, la réception du truc, parce que du coup, c'est attendu, on le voit venir, le truc. Tandis que si je cache mon objectif au moment où le dilemme moral va arriver, bah c'est un peu qui tout double. Hein. C'est que soit effectivement comme c'est une surprise, mais qui a été amenée en sous-marin pendant toute la partie, bah, quand le dilemme moral tombe, les joueurs sont sur le cul et c'est un super souvenir pour elles, quoi. Donc soit effectivement elles se sentent trahies, manipulées et du coup, eh bien, c'est à l'échec de la partie, quoi. Donc l'objectif secret. Il faut se dire qu'il n'est pas forcément pris dans une mauvaise intention de la part de la personne, mais c'est plutôt une notion de prise de risque. C'est à quel point je montre mes cartes à l'avance, en me disant que des fois, si je les montre trop, ben, ça va gâcher le plaisir de tout le monde, quoi. Si, et y a, parce que c'est vrai que si tu anticipes trop le déroulé de la partie, ça peut nuire à ton plaisir, quoi. Mais c'est Exactement, juste et une en fait, question d'attitude, c'est-à-dire à quel point en tant que joueuse tu supportes de l'anticipation ou à quel point tu es prête à accepter la surprise. Donc on en revient à la notion d'attitude. Comment dire, moi aussi, une autre manière de formuler, et j'espère pour apporter un peu de recul, voilà, c'est qu'en fait, pour moi, l'effet surprise dans une partie, c'est du méta. C'est en fait, c'est je choisis de quelque part changer le paradigme de la partie à un moment en disant, eh ah, il y a un jeu moral, Ouais, en etc. fait, ouais, ou en fait, vous êtes tous des robots, enfin, il y a plein de Exactement. variantes. Et en fait, pour moi, tout ça, en fait, quelque part, hein, ça, c'est une notion, c'est une dimension de déterminisme. C'est-à-dire que si je détermine que moi, en tant que joueuse de MJ, j'ai un objectif méta de faire de la surprise, ça peut faire partie des choses. Et donc, au final, je trouve ça rigolo, parce que là, en fait, on vient de renouer en fait toutes les notions avec le niveau méta par rapport au niveau diégétique, mais en fait, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes notions, en fait. Ok, alors on va essayer d'avancer un peu parce qu'on est en retard sur notre chrono. On est en dèche là? Ouais, on a 6 minutes de retard. Bon, allez hop. Ça, c'est la faute à Victor, hein. Je dis ça, je dis rien. T'avais quelque chose à ajouter là-dessus ou c'était. Je me demande si j'ai l'impression qu'on a un peu élaboré pas mal. Bon, vas-y, continue. Ouais, donc qu'est-ce qu'il n'y a pas dans une base et qui est en relation avec le jeu? Eh bien, tout simplement, il y a les requis qui sont oubliés par la base, oubliés intentionnellement ou pas. Hein. Ce qu'il Ouais. faut voir, hein, c'est que par exemple, tu peux avoir une base où il y a marqué ne vous comportez pas comme un connard de joueur expert. Parce que le joueur expert, en fait, comment dire, le mec qui fait le joueur expert, tu peux dire dégage, c'est une manière de traiter le problème, et elle est toujours possible, il n'y a aucun cas de figure où c'est pas possible. Mais en tout cas, tu peux aussi le mettre dans une base en disant en mettant ce qu'il faut pour que ça ne se passe pas. Tu peux aussi dire il y a des requis qui ne sont pas mis dans la base, comme jouer en étant propre, en ayant pris sa douche. je connais pas de base de jeu qui m'a dit autour de la où il y a écrit sur la autour de la table, nettoyez-vous et soyez convenable au niveau social avant de vous asseoir. Ouais, tout à fait. Ça aurait été utile à certaines occasions. Voilà. Alors, je vais donner un exemple qui se contredit lui-même. C'est qu'en fait, quand il y a souvent un requis qui est pas mis, c'est n'être pas un connard. Et en fait, je dis ça alors que quand tu lis la base de Non-Armies, il y a marqué noir sur blanc, ne soyez pas des connards. mais parce que tout simplement, c'est une base de jeu où c'est assez rare qu'ils le mettent aussi cash. Et je pense que c'est justement, ils ont mis ce requis pour vraiment essayer de se dire détendez-vous du gland, quoi. Ouais, donc bien. Après, il y a aussi des requis qui sont rarement mis des fois, mais qui peuvent. Il y a des jeux où ce sera fait, mais de partager les spotlights, c'est-à-dire éviter de monopoliser le temps de parole, l'attention, etc. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, tous ces requis-là que j'ai mentionnés, en fait, dans les jeux les plus récents, ils tendent à être de plus en plus formalisés. Ce qui est cohérent avec ce que j'ai dit en disant que les jeux anciens étaient des jeux où les requis étaient moins formalisés que les jeux récents. Et pour moi, le vrai progrès qu'il y a dans les jeux les plus récents, c'est que de plus en plus on a tendance à expliciter les requis sur les joueuses pour que la partie soit intéressante. Et c'est le fait aussi que les joueurs sont de plus en plus matures. Avec le risque d'être tellement serré ou tellement encadré que du coup, tu vas perdre quand même beaucoup de public à l'entrée, quoi. Ouais, mais ça, comment dire, tu vois, ça c'est le débat. C'est qu'en fait, si ton but, c'est de vendre 10 000 jeux, et que t'es super cadrant, t'auras plus de mal à les vendre, sauf si tu présentes une soupe un peu générale qui accroche le tout venant, quoi. Tout à fait. L'autre risque, c'est l'inflation de la complexité. Exactement. Parce que les requis, quelque part, c'est des règles, quoi. Donc, si tu mets beaucoup de choses, bah, y a un moment, ta base, elle fait 3000 pages. Du coup, il y a un moment, il faut vraiment se concentrer en tant qu'auteur de jeu. C'est quoi ton sacré, les requis vraiment super importants, et ça, qu'il faut que tu les mettes bien noir sur blanc. Et puis, c'est quoi où, bah, tant pis, tu peux faire le deuil, quoi. Il y a un moment, si tu veux que ta base, elle reste d'une taille raisonnable. Alors, pour faire mon connard pointilleux, je dirais que je suis pas ce que tu dis est vrai, à mon sens, mais n'est pas obligatoire. Parce que tout simplement, tu as aussi des bases qui font beaucoup de pages, parce que tout simplement, les systèmes de résolution sont complexes. Tu prends un Pathfinder avec toutes les extensions, ça fait 1 mètre cube de règles. C'est gros. Tu prends Rollmaster, c'est gros. Et pourtant, les requis, je pense pas qu'ils soient explicitement formulés dans Rollmaster. Oui, tout à fait. Les requis, c'est juste une toute petite partie des règles, mais ça peut participer de l'inflation quand même, quoi. Exactement. Voilà, surtout en fait parce qu'ils peuvent être assez complexes et aussi, assez interprétables. Donc ça, c'est de la complexité même au niveau sémantique. Ensuite, il y a aussi des requis qui peuvent être mal formulés dans la base. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'il y a un requis et en fait, c'est bizarre. Pourquoi ? Bah parce que en fait, alors là, je vais faire un truc général un peu foireux, mais c'est que c'est un piège du langage. C'est-à-dire que par exemple, alors je vais taper sur un terme avec plaisir. Tu vois, souvent les mecs. C'est le podcast où Pierre règle ses comptes. C'est un peu ça. Comment dire voilà. Parce que tout simplement, je suis pas dans les autres podcasts. Donc, j'écoute le truc, je peux pas ouvrir ma gueule. Là, j'ouvre ma gueule. Il en profite. Voilà. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, par exemple, tu prends la notion de contrat social qui est utilisé en long, en large et en travers. Le contrat social, pour moi, c'est un terme qui est hyper connoté. C'est-à-dire que le mec qui l'a posé, c'est Rousseau, au XVIIe siècle. Et les mecs, la manière dont ils l'utilisent, soit ils ne l'utilisent jamais comme Rousseau l'a utilisé, donc déjà, ils utilisent un terme avec une intention qui ne remplissent pas. Et ensuite, après, souvent, ils n'ont pas lu aussi l'intégralité des œuvres de Rousseau et tous les penseurs autour qui ont fait évoluer la notion, l'ont enrichi, en sachant qu'il y a probablement 2-3 écoles de comment l'interpréter, et que, en fait, comment dire, c'est de la merde ce terme. Il est inutilisable, il est radioactif, parce qu'il y a trop de connotations et trop d'implicites. C'est un vrai piège. Alors, pour donner un exemple, parce que moi j'aime bien les exemples un peu crado, ce que je dirais, c'est que pour illustrer ce que je vais dire, c'est que si. En fait, le langage, c'est la brique élémentaire de la réflexion. Donc, pour vraiment l'exemple que je donne, c'est que tu as deux peuples sur un continent. Tu as le peuple A, pour qui l'œuf, c'est ce qui sort du cul d'une poule. Tu as le peuple B, pour qui un œuf, c'est ce qui donne naissance à un poussin. Donc, si tu as Christophe Colomb qui arrive avec sa question qui dit « Qui arrive le premier de l'œuf ou de la poule ?» bah, culturellement, le peuple A et le peuple B, ils vont pas être d'accord. Ils vont se friter. Parce qu'il y en a un qui dit « Ça sort du cul de la poule, donc c'est la poule qui est avant l'œuf. » Et il y en a d'autres qui vont dire bah, « C'est ce qui donne naissance au poussin qui viendra à la poule, donc c'est l'œuf avant la poule. » Et c'est juste le mot, avec son sens culturel, qui fait que le problème est insoluble. Et là, c'est un truc que j'ai pompé dans une BD qui s'appelle « Ping-Pong » d'une nana qui s'appelle Zviane. Donc, je vous encourage à le lire. Alors, si tu veux bien, on va retourner sur des trucs un peu moins philosophiques, un petit peu plus rôlistes. Tu parlais des prérequis mal formulés. Il y a un exemple que Jérôme Larrey cite souvent. C'est la première édition de Cyberpunk de Mike Pondsmith, où en fait, apparemment, les joueuses dans leur majorité ont compris que Cyberpunk, c'était pour jouer du cyber, quoi. Donc, c'était Ken et Barbie avec des implants et des gros guns, quoi. Alors Cyberpunk, qu'en c'est le fait. jeu de rôle, c'est le deuxième jeu de rôle de ma vie, et je peux te dire que j'étais, comment dire, c'est exactement ce que tu dis. Voilà. Mais bon, la couverture de Cyberpunk, c'est Ken et Barbie avec des. Je pense que la couverture a joué un rôle énorme là-dedans, parce que la couverture de Cyberpunk, c'est Ken et Barbie avec des gros guns et des implants cool. Voilà, et moi C'est j'avais vraiment un le perso côté qui était à la quoi. limite de la cyberpsychose, et je me souviens tout à fait d'une partie où en fait je me fais attaquer avec un obus de mortier, je mets un coup de boule à l'obus de mortier, et après je vais me faire le mec qui m'a tiré dessus. Voilà. Alors qu'en fait, Mike Pondsmith, c'était pas du cyber et du chrome qu'il aurait voulu qu'on joue, c'était plutôt du punk. Voilà, donc un truc un peu désespéré où on jouait des rebelles et tout dans une ambiance crado. Et donc il a carrément sorti un supplément pour engueuler en fait les joueuses, leur dire qu'elles avaient rien compris. Mais bon, on peut se demander à quel point en fait Mike Pondsmith avait tout simplement échoué à poser ses requis au départ, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Mike Poncis, je le connais pas, je lui ai jamais parlé, mais j'imagine que c'est aussi en fait lui qui manquait de maturité sur justement cet aspect requis et le fond, l'interaction qu'il y a à avoir et les attendus d'une base. C'est-à-dire que comment dire, les mecs autour de la table, ils se sont éclatés à faire leur partie. Il y avait une base qui s'appelait Cyberpunk 2020 sur le truc, tant mieux. Après, au-delà de ça, comment dire, il n'était pas autour de la table, il a rien à dire. Voilà, donc alors on a beaucoup parlé de requis. Maintenant, je te propose qu'on aille sur les différents. Si on voulait faire toujours dans une notion analytique, c'est quoi les différentes catégories de requis qu'on peut identifier avec nos deux cerveaux un peu médiocres? Ouais. Donc pour moi, en fait, alors je vais commencer et puis je vais te laisser bien enrichir la chose parce que voilà, il y a des requis qui relèvent de la compréhension et de l'expression. Donc c'est des requis qui sont très rarement formulés dans les bases. Et en fait, c'est plutôt des requis qui relèvent de quel est le niveau d'éducation générale des joueuses. Est-ce qu'elles parlent la même langue? Est-ce qu'elles connaissent à peu près les mêmes mots avec les mêmes sens? Parce que si moi je commence à te dire que je vais latter le pénultième orc, c'est pas dit que tout le monde comprenne quand je veux taper l'avant-dernier. Ouais, ou je sais pas dit que tout le monde comprenne ce qu'est un orque. Effectivement. Effectivement. Après, il y a aussi c'est aussi des requis qui sont sur exprimer clairement ses actions, etc., etc. Moi, je me souviens d'une partie que j'ai fait en club avec un mec qui était apprenti boulanger. Il y a des fois, j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. Heureusement, il faisait toujours deux, trois phrases. La première, je tiquais, et puis au fur et à mesure, je comprenais. Peut-être que lui non plus ne comprenait pas. Ah, mais comment dire? J'en suis convaincu parce que je suis pas meilleur que lui, hein. Voilà. Mais au final, on a fait une dizaine de parties ensemble. Les deux premières, c'était un peu comme ça. Et assez vite, on s'est ajusté et ça s'est super bien passé. Donc, Toujours compréhension de son nom. pour dire dans le sens que aussi, les parties, quand je disais qu'il y avait l'historique des joueuses autour de la table, et ben ça, c'est un exemple d'historique. Ouais, l'historique qui finit par finalement un peu mettre tout le monde au diapason, quoi, au bout d'un moment qu'on a joué un peu ensemble. Ou alors, les mecs se cassent. Ouais, tout à fait. Alors, il y avait compréhension de son envie narrative, bon, ça on en a largement parlé, c'est notamment est-ce que tu préfères jouer tactique, esthétique, morale, sociale. Voilà, c'est Bon, GNS, etc. ouais, voilà, tout à fait. Il y a presque un cinquième atome que Sylvain Fine avait identifié que je trouve cool. C'est l'atome mécanique, en fait. C'est des joueuses qui sont là pour voir des mécaniques à l'œuvre, en fait. Oui, en fait, alors, je l'appellerais expérimentaliste. C'est-à-dire, tu as envie d'expérimenter des choses. Mais Ouais, comment voilà, je dire? peux ça Mais en tout cas, aussi. je Ça vois bien ce se que tu veux croise dire et c'est l'esprit sur les super tests. intéressant. Jouer pour tester des jeux, en fait. Voir ce que ça fait sans avoir de prérequis autre que juste regarder, quoi. J'adhère complètement à son truc, hein, c'est super. L'envie de déterminisme, bah ça c'est à quel point tu veux être, à quel point tu veux avoir le contrôle, à quel point tu veux être surpris, c'est ça? Exactement, contrôle sur quoi et surpris ou quoi, sur quoi. Parce que comment dire, par exemple, il y a plein de jeux super intéressants avec des tables aléatoires où tu tires des choses. Comment dire, c'est pas déterminé, c'est intéressant, il y a des surprises. Et pourtant, c'est le 6. Là, c'est les tables de résolution qui dictent la partie en grande partie. Il y a des jeux, ça va carrément leur casser leur plaisir de voir que le MJ, en fait, il tire tout à juste une minute avant sur des tables, parce qu'en fait, elles perdent l'impression que le monde fictionnel est solide. Et du coup, elles préféraient que le MJ soit arrivé avec un truc préparé à l'avance ou un truc prescrit, tu vois. Alors que moi, je trouve ça éclatant dans le sens où, comment dire, t'assistes à une performance en live du MJ sur à partir de trois phrases pourries dans un tableau, pourries, excuse-moi, à trois phrases très limitées dans un tableau, et en fait, il arrive à te construire un truc qui fait sens, qui est cohérent et avec lesquels tu as envie de te marrer. Voilà, donc encore une fois, tout est dans l'attitude et puis dans les envies que tu as au Et dans départ. la joueuse, et dans la joueuse MJ. Le jeu n'est pas dans la base. Donc moi, comme requis, j'avais ajouté tout simplement le requis de difficulté, c'est-à-dire est-ce que tu es là pour jouer en mode touriste ou en mode hardcore, quoi? Moi, pour moi, je le vois plutôt comme une sous-catégorie de jeu tactique. C'est-à-dire, est-ce que tu veux un jeu tactique qui te challenge ou est-ce que tu veux un jeu tactique un peu Mickey, quoi? Bah oui et non, parce que finalement tu peux l'extrapoler aux autres formes de jeu, sur le jeu moral. Ouais, je veux bien qu'on fasse des dilemmes moraux, mais faut que ce soit choupi, quoi. Hein. Si je dois choisir entre tuer mon enfant et tuer mon papy, ça va pas le faire, quoi. Je veux un truc mignon, quoi. Donc finalement, puis bon, tu peux l'extrapoler à toutes les formes de jeu, quoi. Quelque part, c'est le niveau d'intensité que tu recherches, quoi. Ah, je comprends, à ce moment-là, oui, j'agrée complètement. Il y avait les requis culturels. Oui. C'est-à-dire que. On ne va pas te demander les mêmes requis culturels pour faire une partie d'Eclipse Phase qui fasse vraiment honneur au background du jeu que pour faire, je sais pas quoi, une partie pour prendre un autre jeu SF, pour faire une partie de Traveler ultra cliché. Tu vois, c'est-à-dire que Je vois ce que tu veux dire. y a une sorte de prérequis de requis culturels, quoi. C'est, est-ce qu'on veut un jeu où en fait le niveau culturel requis est assez bas, quoi, il n'y a pas beaucoup d'exigences, ou est-ce qu'au contraire on veut en fait des jeux qui vont flatter notre culture, quoi. Je vais te Alors. proposer un autre exemple. C'est est-ce que tu veux jouer à, je sais pas, Harry Potter RPG parce que tu as lu tous les trucs à fond, ou est-ce que tu veux jouer dans un jeu de SF, pourquoi pas Harry Potter, mais ce qui compte avant tout, c'est que tu te marres bien, quoi. Voilà, oui. Et donc, les requis culturels, souvent, c'est des requis culturels geeks, parce que bon, on va pas se mentir sur le panel un petit peu des rôlistes, quoi. Hein. Mais des fois, où au contraire, il peut y avoir une demande de requis culturels non geeks, soit parce qu'on est sur un public un peu différent, ou soit parce qu'on est sur un public geek, mais que du coup, il y a qu'à envie un petit peu de sortir de sa zone de confort, quoi. Exactement, je pense. Et puis par exemple aussi, moi ce que j'ai vu historiquement, alors historiquement parce que ça fait quelques années que je joue, au moins deux, c'est qu'il y avait beaucoup de joueuses à qui en fait tu disais les trucs de SF, de machin et tout, ça marchait pas. Et c'est pour ça que Toulouse était un super jeu d'initiation, parce que par contre, ça les rapprochait de la zone de confort, dans le sens où, mis à part les mecs, les bestioles avec des tentacules, c'est le monde de le tien et le mien, quoi. Voilà, bon bah ça c'est le requis un peu close to home ou far to home aussi quoi. Ok. Tac. Bah moi, je pense Donc qu'on là on a a listé un passé ce peu le que. requis. Ouais. Sachant que Pour on a dit ouvrir un que peu le le sujet, jeu c'est qu'en objectif fait. était secret, les requis aussi peuvent être secrets, quoi. C'est-à-dire Ouais. que c'est quand même assez rare la joueuse qui va te dire moi j'aime telle façon, tel type de jeu, telle façon de jouer, telle façon de jouer. La plupart du temps, moi je sais que quand j'arrive en convention, les personnes à ma table, enfin des fois je prends l'effort de leur demander de se présenter pendant 5 minutes, mais j'avoue je le fais rarement. Et donc finalement leurs requis et leurs objectifs, bah, j'en ai aucune idée, quoi. Je vais m'adapter en Et puis, contrepartie, quoi. je vais aller plus loin parce que je suis plus que d'accord avec toi. C'est qu'en fait, il y a aussi le fait que d'abord la joueuse elle-même, des fois, elle ne connaît pas. Et puis là, on parle de requis comme si c'est des boutons 1 ou 0 on and off, alors qu'en fait, c'est souvent une gradation. Et donc, peut-être qu'en fait, une joueuse qui arrive en disant moi, je suis à fond dans le jeu moral, et là, tu lui sors un truc moral de chez moral avec des choix hyper lourds, hyper gros en quantité, et là où elle se Cozy dit Osborne et écoute, DSK. Thomas, s'il te plaît. Je voulais faire du jeu moral, mais pas à ce niveau d'intensité, quoi. Et puis après, il y a aussi le fait que, voilà, et après, il y a des requis qu'elle-même ne sait pas. C'est-à-dire que, comment dire, pour elle, c'est tellement naturel ou implicite qu'elle ne le formalise pas, donc elle n'en a pas idée. Elle a jamais rencontré cette limite chez elle. Ouais, voilà, parce que par exemple, tu as toujours joué avec le même groupe d'une certaine façon, puis tu arrives en convention avec un nouveau groupe, un nouveau jeu, enfin, et il y a tellement de trucs différents que tu te rends compte que c'est seulement à ce moment-là que tu te rends compte que ta zone de confort, c'était ça et ça, quoi. Voilà. Donc voilà, ça te va sur le sujet. On peut passer à la suite. Ouais. du coup, c'est comment on se sert de ça pour faire une bonne base de jeu. Exactement. Alors là, comment dire, moi je suis hyper arrogant, j'en ai jamais écrit des bases de jeu, donc je me permets de dire tout ce que je pense avec toute la légitimité que j'ai. Voilà, donc ce qui pour moi en fait une bonne base, selon ça, une fois qu'on a, si on accepte ce qu'on vient de balancer, en fait elle doit remplir deux critères. Alors ces deux critères qui sont assez larges, hein, donc ça simplifie, ça devient pas un QCM hein, de faire une base de jeu. C'est qu'en fait il faut expliciter de manière séparée et le plus clair possible les requis qui sont attendus sur les joueuses et les règles de jeu. Et voilà, donc la base, elle doit expliciter deux choses. Et les requis attendus sur les joueuses, et les règles au sens large, c'est-à-dire univers, système de résolution, machin, tout ça, etc. Et ça, normalement, c'est possible pour tous les jeux. Même si des fois, il y a une mixité entre les règles et les requis. Parce que souvent, en fait, le paradigme du système Those Matters, c'est en fait, dans les règles de jeu, essaye de mettre des choses qui rentrent en résonance avec les requis. Donc voilà, mais simplement il suffit juste de l'écrire deux fois. C'est-à-dire tu mets les requis, c'est ça, ça, ça, et après dans les règles, tu dis bah en accord avec ce requis, cette règle, elle fait ça. Voilà. Et après, une base, elle donne un deuxième chose, elle donne un comment dire, elle est bonne. Pour être bonne, elle doit être bonne dans un contexte spécifique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit bonne vis-à-vis des joueurs qui ont un certain niveau, bagage culturel, attente, niveau de maturité, expérience de jeu. Donc il y a peut-être un jeu vachement. Simple vanille, un Warhammer va être super bon pour des joueurs qui ont fait entre 0 et 100 parties, et puis passer 100 parties, t'as soit les mecs qui sont fans d'autre chose du jeu, soit ils ont tendance à passer à autre chose. Juste sur les requis, comment la base les formules, tu dis bien de dire qu'il faut formuler une fois en tant que requis ou en tant qu'attention, et deuxième fois en termes de règles. Je vais te donner un exemple tout bête. Si dans ton prologue du jeu, tu es dit ce serait quand même bien qu'il n'y ait pas de combat, et que après tu fournis un système de combat, bon bah il y a un moment. T'es pas très cohérent avec toi-même. Hein. Quoi, voilà, ouais, c'est ça. Enfin, du coup, c'est la notion de cohérence interne. On croirait que c'est moi qui parle, là, parce que moi je passe mon temps à dire des choses qui contredisent de ce que j'ai dit 2 minutes avant. On dirait que c'est moi, là. Et toi, tu me disais que tu avais autre chose en conséquence par rapport à ça. Ouais, c'était que le souci en fait, c'est que bon, toute l'approche forgène était quand même, je pense, à mon avis, dans cette idée de poser les requis dans les bases de jeu. Et pour autant, de la même, sauf et ça part quand même souvent d'une observation des pratiques en disant, bah, j'observe telle pratique dans la nature et du coup, comment je les automatise. Parce qu'en fait, c'est ça finalement une base de jeu. C'est souvent une automatisation de pratiques plus anciennes. Le problème, en fait... Là, c'est une vision historique. C'est l'évolution des bases. C'est ça, c'est une cristallisation de pratiques passées. Alors, bien sûr, il y a une part d'innovation. Hein. Je veux bien croire qu'il y a des bases qui fournissent, qui proposent des façons de jouer qui n'ont jamais été vues avant. Mais généralement, elles ont au moins été vues au moins à la table de l'auteur pendant qu'il testait. Quoi. Je pense, quoi. Et en fait, le problème qu'il y a d'analyser une pratique et ensuite de l'automatiser, c'est qu'en fait, souvent, en automatisant la pratique, on la transforme. L'exemple que j'avais, c'était... ou alors, simplement, si on a mal observé la pratique, en voulant l'automatiser, ben, en fait, on va arriver à des objets, à un résultat complètement inverse de ce qu'on recherchait. Je prends l'exemple de l'article « Truc impossible dans le petit-déj » de Mark Young. Donc là, du coup, on est vraiment Excuse-moi, Thomas. Ouais. Thomas, est-ce que je peux te laisser parler 2 minutes? Je vais faire une pause biologique. Très bien. Donc, dans cet article-là, ça part d'un constat, c'est que la plupart du temps, les joueuses, elles suivent le scénario de gré ou force et que il y a seulement quelques occasions où, en fait, c'est le meneur qui va réagir aux joueuses. Et ce qu'on appelle le jeu de basse, et que cette façon de jouer, ce serait une sorte de graal de la bonne pratique. Honnêtement, voilà, l'article il pose ça en conclusion. Hein, il y a un vrai jugement de valeur dans l'article. Et du coup, derrière, on va avoir des jeux qui vont essayer d'automatiser le jeu de basse. Sauf que je pense que l'observation des joueuses qui suivent le scénario de Greywood Force dans 90% des cas, moi je suis en désaccord avec cette observation. J'ai le sentiment que la majorité des joueuses, elles ne suivent pas le scénario, elles font juste. Même si le MJ a préparé un scénario avec la ferme intention de l'imposer aux joueuses, hein. La plupart du temps, en fait, eh bien, les joueuses, elles font absolument ce qu'elles veulent, c'est-à-dire souvent n'importe quoi. Et le MJ, il est obligé de se démerder avec ça. Donc du coup, les fameux 4 scénarios qui plantent, ou de scénarios qui n'avancent pas, c'est-à-dire que ah, j'avais prévu un scénario pour une séance, on a mis 10 séances à le faire, et tout simplement parce que certes, le MJ a réussi à imposer son scénario, mais ça, ça a constitué 10% du temps de jeu, 90% du temps de jeu, c'est les joueuses qui sont parties en roue libre. Et donc, je vous invite par exemple à écouter la chaîne YouTube Histoire au coin du D20, où c'est des joueurs assez traditionnels qui débriefent leur partie. Et on voit bien que clairement, c'était souvent du jeu traditionnel à scénario. Mais en fait, ce qui s'y constituait majoritairement la partie, c'était le partage en live des personnages, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'automatiser le jeu de base ? Et ben justement, c'est qu'on automatise. C'est que en fait, on va forcer un peu un déroulé, en apportant beaucoup de préconisations aux joueuses comme au MJ. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et ben on va vachement limiter en fait le partage en live des personnages. On va les concentrer sur une intrigue. Et donc, du coup, évidemment, il faudrait analyser chaque jeu. Mais j'ai tendance à penser qu'un article comme Le truc impossible avant le petit-déj, eh ben, il a eu un effet sur les jeux qu'il a inspirés. Il a eu un effet assez inverse à son intention. C'est-à-dire qu'en fait, il a amené à écrire des jeux plus dirigistes qu'on ne les faisait par avant, quoi. Ah, mais ça, pour moi, comment dire, j'en suis complètement. En tout cas, c'est une opinion qui n'engage que moi, mais je suis certain de ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends Dogs in the Vineyard. Alors, je ne sais pas si il a été inspiré par ce truc-là en particulier, mais pour moi, il est dans la même mouvance, donc je l'assimile. Mais pour moi, c'est juste un toboggan. C'est-à-dire que c'est un scénario qui t'arrive dans un endroit avec des conflits moraux, tu les traites. Et comment dire, tu n'as juste pas le choix de faire autre chose. Comment dire, plus dirigiste que ça, c'est vraiment dirigiste. Voilà, alors qu'en fait, ça part quand même, c'est intéressant parce que ça part vraiment d'une philosophie de jeu de base où le MJ est censé réagir aux joueuses. Sauf que le traitement, finalement, on se rend compte que le traitement, il est un peu opposé à ça. Exactement. En fait, le truc, c'est pour moi, c'est lié au fait que quand tu veux être plus clair et plus cadrant sur les requis, bah, automatiquement, tu précises des choses. Et une manière d'avoir les choses sous contrôle, c'est d'avoir des requis qui permettent de limiter le scope de ce que peut faire le jeu. De ce que la base encourage à faire. C'est dur d'être discipliné là-dessus. À partir de là, automatiquement, tu vas réduire le spectre des possibles. Et donc, tu vas être dirigiste. Tout à fait. Alors, donc comment on fait un bon jeu, en fait ? Alors, comment on fait un bon jeu ? Alors, je suis peut-être pas en train de discuter, mais sur deux mamelles, le bon jeu. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, les requis de la partie, ils doivent être le plus explicite possible. Il faut que, quelle que soit la personne de siècle-ci, en France, etc., quand ils lisent les requis, ils comprennent. Et pour que le jeu soit bon, il faut que les requis de la base, ils soient le plus possible cohérents ou en adéquation avec les joueurs. C'est-à-dire qu'ils aient le niveau d'évolution, d'expérience, de culture, de tout, de l'ensemble de ce qui caractérise le groupe de joueurs. Donc c'est très métaphysique, hein, ce que je balance. Il faut que la base de jeu soit en accord, ou en tout cas les requis acceptés pour la partie, soient en accord avec le groupe. Et ensuite, le deuxième point, c'est que vu que c'est jamais le cas, il faut aussi avoir la capacité en termes d'agilité pour ajuster le paradigme de la partie au fur et à mesure qu'il y aura des soucis. Ça peut être rectifier les règles, formuler des requis qu'on avait implicites. Dès qu'il y a une joueuse ou plusieurs qui commence à dire qui manifeste, enfin, elles ne sont pas obligées de couper la partie, mais qui manifeste le fait qu'elles n'adhèrent pas vraiment, quoi. Ouais, et donc moi j'avais une réaction. Alors, est capable d'agilité. Alors, le truc, c'est que pour rectifier les règles, ça, c'est que c'est entre guillemets, c'est le jeu ne se rectifie pas lui-même. Mais il y a quand même la possibilité d'écrire une base qui soit modulaire en disant si vous avez tel profil, le jeu est dans les vôtres, gérer la situation comme ça. Si vous avez tel autre profil, jouez la situation différemment, quoi. C'est-à-dire avoir le jeu modulaire, c'est une réponse, quoi. Tout comme les requis, c'est vrai qu'on peut, on peut formuler les requis de façon explicite. On peut aussi être explicite sur le fait qu'on a peu de requis, quoi. C'est le cas des jeux profonds qui disent, bah, en fait, vous pouvez le jouer de plein de façons différentes, quoi. Donc, comment faire une bonne partie? Donc là, du coup, moi, je reporte la question sur. On a disserté des responsabilités de la base, quand même, dans la réussite de la partie, c'est-à-dire comment l'auteur de jeu il implémente le fait que, en fait, les joueuses elles ont une part importante dans la réussite de la partie, comment il en tient compte pour rédiger sa base. Donc, ça, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Moi, je voulais aborder un sujet différent, c'est nous, joueuses, maintenant qu'on a compris qu'en fait, on avait une part, une responsabilité dans la réussite de la partie, comment on s'applique, eh ben, du coup, à améliorer nos parties. Alors, je vais donner un exemple, un reproche que j'ai assez souvent en débrief, que les joueuses me font, c'est leur manque d'agentivité. C'est-à-dire, j'ai manqué de liberté d'action. Alors, souvent, en tout cas, dans ce qui me concerne, ça vient du fait que moi, je maîtrise sur des univers très personnels, assez complexes, assez dingues, et du coup, le monde est tellement bizarre que les joueuses savent pas quoi faire. Alors, j'ai deux choses à répondre à ça, en fait. Bon, la première, ça peut être tout simplement de dire, bah oui, faut peut-être que moi je fasse un effort pour leur montrer leur espace de liberté, pour leur expliquer ce qu'elles peuvent faire, tout ça. Il y a Le aussi le fait que deuxième, tu as c'est du peut-être de répondre à la kilométrage joueuse, mais excuse-moi, Pierre, Il y a t'avais aussi une le fait que réaction. il y a aussi le fait que tu as du kilométrage au compteur et donc en fait il y a peut-être l'aspect intimidant, il y a aussi l'aspect niveau d'expérience, c'est-à-dire que toi tu as des tonnes de parties sur le dernier mois ou la dernière année, quand elles en ont souvent probablement moins, et donc à partir de là, en fait, comment dire, l'agentivité, il y a aussi une certaine pudeur ou autocensure qui font qu'en fait c'est ton univers, c'est toi, t'es l'auteur en plus d'être la joueuse MJ, etc. Et tout ça fait que je pense que ça bride leur agentivité. Et donc elles te le reprochent, mais au final, quand elles te le reprochent, elles se le reprochent aussi un peu parce qu'elles sont responsables. Ouais, puis c'est une question de sacré en fait, c'est-à-dire que moi j'arrive avec mon univers, par exemple Milvaux, où j'ai fait 400, 500 parties, quoi. Ça fait un peu bonjour, je suis le gardien des clés, quoi. Et du coup, les joueuses, elles peuvent avoir peur d'amocher mon bel univers, alors qu'en fait, tout ce que je leur demande, c'est de se l'approprier, quoi. Mais c'est pas forcément des choses que je pense à préciser tout le temps. L'autre chose, c'est des fois j'ai la joueuse qui me dit bah, je ne sais pas quoi faire, quoi. Et en fait, tu as l'impression que la joueuse, elle attend qu'on lui dise quoi faire. Alors qu'en fait, Est-ce qu'elle moi, cherche en un tout cas. papa? Pardon? Elle cherche un papa? Non, non, je pense pas, mais c'est-à-dire une idée que le MJ ou le jeu ou la base, en fait, sont censés dire quel type de personnage tu vas incarner et quel type de roleplay tu vas avoir, quoi. Alors que. Moi, en ce qui me concerne, souvent, non, au contraire, c'est bah, jouer comme vous le sentez, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je vous propose des situations et après, vous réagissez à l'instinct. C'est ça qui m'intéresse. Et l'autre chose, c'est de se dire, bah, votre liberté d'action, vous pouvez attendre qu'on vous la donne, que je vous dise, ah bah tiens, celle-là, vous avez telle possibilité, puis vous pouvez la chercher. C'est-à-dire, faire des propositions, quoi. C'est-à-dire. Bon bah je m'y vais, j'y vais, je me lance, je tente des trucs. Si j'ai besoin de plus d'informations avant de tenter des trucs, parce que je me dis ouais, attends, si ça se trouve, si j'ouvre cette porte, ouais, j'aurais éprouvé ma liberté d'action, mais derrière il y a un kraken, je vais me faire bouffer. Bah tu peux aussi poser des questions, dire bah attends, avant de me lancer à tenter un truc, je dis bah j'ai couteau porte. Voilà, donc il y a un moment, ta liberté d'action, plutôt que de regretter d'en avoir été privé, la bonne attitude, ça peut être aussi d'aller la chercher, quoi. Mais ça s'apprend, hein. Ça s'apprend ou ça se, ou des fois c'est quelque chose qui se, il y a des fois après des années de culture forgène, c'est quelque chose qui a tellement désappris, des fois ça se réapprend quoi. C'est-à-dire moi ce qui m'avait surpris quand le podcast à cellule où j'avais fait tester Milvaux Sombre, c'est effectivement en briefing au début de la partie, il y a un joueur qui me demande mais qu'est-ce que tu attends de nous? Et c'était une question qui m'avait complètement désarçonné parce que généralement j'attends rien en fait des joueuses. C'est peut-être un tort, hein, ceci dit. Mais j'attends juste qu'elles jouent comme elles le sentent. L'autre attitude qui me paraît permettre d'accéder à des bonnes parties, donc on a vu le truc de plutôt que de regretter le manque d'un truc, c'est aller le chercher tout simplement. Là je parlais de la liberté d'action, mais ça pourrait être sur d'autres thèmes. L'autre point, c'était jouer en étant fan du jeu. C'est-à-dire, bon, bah, on s'est mis d'accord pour jouer avec tel boss. Du moment qu'on s'est mis d'accord et qu'on se retrouve ensemble à y jouer, c'est pas la peine. Il vaut mieux mettre son attitude critique un petit peu au placard le temps de la partie et on va jouer comme si c'était le meilleur jeu du monde. On va jouer comme si on était super fan de la proposition du jeu. Et généralement, tu fais une bien meilleure partie en fait quand tu mets un petit peu ton analyse critique de côté. Là-dessus, oui, j'agrée. Alors, j'ai un petit exemple aussi sur les playtests. Moi, souvent, quand je fais en convention, je suis quasiment tout le temps en situation de playtest. Si c'est pas le jeu, c'est le scénario. Si c'est pas le scénario, c'est une proposition ou un patch de règles. Enfin, j'ai toujours un truc à playtester, quoi. Et le risque, c'est que, comme les joueurs savent que j'attendrai de leur part des commentaires à la fin de la partie, ou comme elles savent que le truc est en mode garage, quoi, c'est qu'elles se posent en... Alors, j'ai noté consommatrice dans le plan, mais c'est plutôt en jury, en fait. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. On est là, en fait, pour faire le jury de ton jeu, ton scénario, tout ça. Et là, bah, le risque, c'est peut-être intéressant pour la progression du jeu, parce qu'à la fin, tu vas faire des commentaires, tout ça, machin. Mais au final, pour ton... Franchement, je pense que la joueuse jury, elle ne s'amuse pas, quoi. Enfin, ou alors, elle s'amuse d'une façon un peu spéciale, quoi. Et donc, le bon esprit de playtest... Elle s'amuse avec toi, mais elle s'amuse de toi et avec toi, mais elle ne s'amuse pas avec le jeu. Ouais, c'est un peu... c'est spécial, quoi. Et il y a une autre façon de faire qui est ce que j'appelle l'esprit de playtest. Il y a un article de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Géométrie. J'en parle dans les osmoses, je retrouverai l'article qui est de en fait si t'es là pour playtester, c'est-à-dire c'est pas que t'es là pour faire le jury, mais c'est que t'es là pour tester toutes les manettes qu'on te propose. C'est-à-dire bah sur ta feuille de personnage, s'il y a des compétences un peu exotiques que tu vois, bah il faut que tu les testes, faut que tu crées que tu vas faire telle action pour tester la compétence, pour que tu vois ce que le jeu a dans le ventre, mais tu sais en mode bah vraiment ludique quoi. Amuse-toi avec les manettes et puis on verra seulement seulement une fois que la partie sera terminée que tu rallumeras ton esprit critique pour mettre des commentaires et une analyse quoi. Donc c'est un peu quelque part jouer en étant fan du jeu aussi hein, mais en fait ouais c'est autour de ces notions quelque part de à un moment tu suspends le recul que tu prends naturellement sur la partie pour vraiment ouais. Profiter au même niveau que les autres joueuses. Et après, par contre, ça ne t'absout pas de après prendre du recul, réfléchir et puis émettre des choses constructives. Ouais. L'autre, je prends un autre exemple, c'est dans les jeux maison. Et ça va nous. C'est que dans les jeux maison, les joueuses elles peuvent littéralement tout transformer en fait. Elles peuvent transformer l'univers, les règles, à la demande, elles peuvent tout transformer de la base. Et là, j'ai un exemple vécu, c'était. J'avais mon club de jeu de rôle en école d'ingénieur. Donc, on avait une MJ qui nous maîtrisait un jeu de SF qui avait été créé par son frère. Et en fait, son frère, en l'occurrence, il était assez souvent à nos parties en tant que joueur. Donc, du coup, on a vraiment le cas où il y a l'auteur à la table. Et puis, à plusieurs reprises, je disais non, mais attends, telle créature de mon univers, tu l'as fait se comporter comme ça, c'est pas comme ça que doit se comporter, ou t'as pas géré les règles comme je dis, tout ça, machin. Et en fait, elle avait, la MJ, elle avait une super phrase pour le renvoyer, entre guillemets, dans les cordes, c'était « Mais c'est mon monde !» C'est-à-dire, c'est ta base, mais c'est mon monde. C'est-à-dire que du moment que, en fait, le jeu t'appartient plus, du moment que nous, on l'a pris pour jouer. La base, elle t'appartient, mais la partie, elle t'appartient pas, quoi, en tant qu'auteur. Elle a tellement raison, la joueuse MJ. Bon, après, il y a la notion de à quel point aussi, quand même, les joueurs. Hors MJ ont leur mot à dire sur ce qu'on fait du jeu, quoi, quelque part. Il est, en l'occurrence, il n'est pas que auteur, là, il est aussi joueur, donc il essaye aussi de négocier. Oui, mais là, par contre, c'était pas sur le jeu, c'était sur l'orthodoxie, en fait. Voilà, j'ai une prérogative, parce que j'ai écrit la base, et donc à partir de là, mon opinion prévaut sur celle des autres, en fait, quand même, c'est pas une négociation, c'est juste qu'il essaye d'imposer. Ouais. Alors, jouer en étant fan du jeu, des fois, c'est épouser la courbure et l'ambiance du jeu. Comment? Alors, plutôt que dans l'analyse, mais aussi plutôt que de jouer by the book, il faudrait presque plutôt que de jouer la lettre du jeu, des fois, c'est mieux d'en jouer l'esprit. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Ah bah, on joue à Vampire, on a adoré la note d'intention qui est qu'on joue des vampires antédiluviens, torturés, tout ça, machin. Mais on réalise que les règles du jeu nous proposent finalement de faire un truc assez différent. Eh ben, c'est pas grave, on va patcher le jeu de façon à respecter la note d'intention, quitte à trahir une partie des règles. Moi, j'aime bien les formules lapidaires. C'est en fait, finalement, quel que soit le sujet, joue à ce qui te fait plaisir, indépendamment de ce que la base va te dire. Voilà. Tu prends ce qui Là, t'intéresse en là-dedans et après, ça t'inspire. fait, c'est la fameuse phrase, l'important, c'est de s'amuser, quoi. Il y a une phrase de Jérôme Larry, enfin, je pense pas qu'elle soit de lui, puisqu'elle est en anglais, il a dû la tirer d'ailleurs, mais c'était notamment à propos des jeux de l'Apocalypse, mais ça peut être vachement, ça peut être extrapolé à tous. C'était le fameux to play it is to hack it. C'est-à-dire, y jouer, c'est jouer au jeu, c'est le hacker, quoi. C'est-à-dire que soit parce que le jeu te propose déjà de base tout un tas de façons de personnaliser, quoi, de faire les choses à ta sauce, quoi. Donc on a Apocalypse World avec ses moves personnalisés, on a le DK System avec tout un tas de règles pour créer des véhicules, des objets, tout un tas de trucs. Mais effectivement, ça peut être extrapolé à, c'est le fameux Ruling Not Rules, hein, c'est que, en fait, dès qu'on se met à jouer, de toute façon, on trahit la base pour le meilleur et pour le pire. Mais dans l'idée, c'est qu'on va forcément bidouiller pour adapter la base à ce que notre équipe de jeu attend, quoi. Bah, je vais aller plus loin, c'est qu'en plus, comment dire, la base, elle a été écrite par un auteur à un moment T, par exemple. Le truc, c'est que déjà, l'auteur, il n'est pas là et tu sais pas ce qu'il a voulu dire exactement. C'est-à-dire que tu as que les mots écrits, mais peut-être que pour lui, ça avait un autre sens que ce que tu en lis. Donc déjà, comment dire, en termes de lettres, tu peux pas savoir, t'as pas les mêmes lettres que lui. Premier point. Et en plus, même lui, il est peut-être pas d'accord avec lui-même 10 ans plus tard. C'est-à-dire que par Oui, sans exemple, parler des justement, fois où on quand comprend tu prends le Mike Pondsmith qui pleure sur Cyberpunk, le mec, il est bien rigolo, mais simplement, c'est lui qui a écrit sa base, et après, il n'est pas d'accord avec ce que les mecs, quand ils lisent les mêmes mots, ils font autre chose. Comment dire, c'est facile de pleurer, mais il reste que, comment dire, Ouais, voilà, c'est peut-être que tout. quand il a écrit, peut-être qu'il avait en fait il avait en tête Ken et Barbie, quoi, hein, avec des gros guns, quoi. C'est peut-être que 10 ans plus tard, il est arrivé avec d'autres envies et il s'est réveillé en se disant, oh mince, les gens ont joué comme ça alors que j'aurais préféré qu'ils jouent autrement, quoi. Ouais, ou peut-être que pour lui, cet aspect de vouloir faire du punk, c'était hyper, comment dire, c'était tellement à l'intérieur de lui que pour lui c'était naturel. Et, tout le monde devait penser pareil en lisant ce qu'il allait écrire, alors que c'est pas vrai. Ah, mais oui, de toute façon, le jeu a souffert de l'esthétique des années 80, hein, quand tu es le punk. Alors, C'est une souffrance, c'est génial. la conclusion aussi, c'est en tant que joueuse, je pense que si on se considère comme un public du jeu, on va dans le mur. On va au-devant de la désillusion. Et du coup, l'attitude qu'on veut adopter pour vraiment avoir de meilleures parties, c'est se dire on n'est pas un public, on est une équipe. Là, en fait, on reboucle. C'est la même chose quand je te disais, c'est comme la liberté. Pour être vraiment libre, il faut avoir combattu pour avoir son truc. Là, c'est la même chose, en fait. Pour avoir une bonne partie, il faut avoir fait l'effort pour. Donc MJ et joueuse, hein, bien sûr, font partie de l'équipe. Et là, je fais un petit lien vers une vidéo YouTube de Guillaume Duquesnay qui s'appelle Expérience d'un maître de Donjons et Dragons sur le management. Alors en fait, il est dans le management, l'agile, tout ça, le lean. Et donc il explique comment au début quand il joue à Donjons et Dragons il est que joueur, il n'aime pas trop comment son MJ fait, donc il se dit moi quand je serai MJ je vais proposer un récit, enfin quelque chose d'intense, d'épique. Bon, j'extrapole un petit peu sur ce qu'il dit, mais et puis au bout d'un moment il se rend compte que ça fonctionne toujours pas et en fait il réalise qu'il a pas mis les autres joueuses dans l'équation, quoi. Et donc après il fait non moi MJ en fait je vais bosser avec les joueuses, quoi. Et c'est avec elle que je vais voir en fait où on veut aller, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc il a une sorte de révélation quand il se rend compte qu'en fait, voilà, c'est même les joueuses ne sont pas le public du MJ, en fait, ils forment une équipe ensemble, quoi. Voilà, comme quoi, en fait, c'est toujours une question d'apprentissage. Tes premières parties sont pas comme les suivantes. Ouais. Et donc, on avait parlé d'autorité, on n'a pas beaucoup parlé de responsabilité. Parce qu'en fait, le débat autour de l'autorité en jeu de rôle, le jeu sans MJ, le fait que les joueuses avaient plus de contrôle, que ce soit sur leur personnage ou que ce soit autour de leur personnage, c'était un peu la notion de responsabilité. Qui est responsable de quoi, quoi? Il En y fait, avait pour moi, l'idée. on a tourné autour, on en avait beaucoup parlé, parce qu'au final, on avait quand Ouais, même bien parti de sûr, la c'est juste qu'on clause. n'a pas dit le mot. Qu'en fait, toutes les joueuses étaient responsables de ce qui se passait, parce que rien qu'en acceptant de rester autour de la table, elles prenaient la responsabilité. Voilà. Et en fait, les jeux forgeins ont essayé de formaliser le fait de donner plus de responsabilités à chaque joueuse, d'en enlever peut-être un peu au MJ pour en donner plus aux joueuses. Mais en fait, je pense que pour une réussite de partie, les joueuses n'ont pas forcément besoin de plus de responsabilités, de davantage de responsabilités au pluriel, quoi. Elles ont besoin de plus de sens des responsabilités. C'est-à-dire que je peux te donner plein de pouvoirs. Tu pourras quand même être déçu en tant que joueuse si quelque part tu restes dans un esprit consommation, quoi. Ou si je suis pas armé pour m'en servir, parce que tout simplement tu vas me donner toutes les responsabilités du truc. Si j'ai pas l'expérience pour faire, bah voilà quoi. Voilà, c'est Si c'est ma ça. première partie et tu me Bah, dis que je dois commencer à poser un métaplot avec des fronts et des machins, comment dire, c'est ça va pas ça, le oui. faire. Bah, de toute façon, les jeux sont MJ où tu as une joueuse qui freeze complètement, ça, on en a plein, quoi. Mais même, bon, y a ça, effectivement, c'est adapter quand même les responsabilités comment aller à l'expérience de la joueuse, quoi. Et puis, il y a ses savoir-faire, ses savoir-être rôliste, quoi. Mais il y a aussi vraiment la notion de sens des responsabilités, c'est se dire, en tant que joueuse, moi j'ai une responsabilité dans la réussite de la partie, on me donne des pouvoirs, si je m'en sers pas pour améliorer le jeu, ben ça sert à rien qu'on m'en donne plus, quoi. Je voulais revenir sur une trilogie, je vais pas débattre dessus, mais ce que j'appelle un peu la trilogie idéale, c'est, bon, contrat social, je sais que t'aimes pas le terme, mais on peut dire briefing, enfin On tout va ce dire qui une est... trinité pour être mieux encore, hein, c'est cool. Ouais, voilà, tout ce que tu appelais le déterminisme, tout la temporalité, c'est tout ce qu'on prévoit, tout ce qu'on discute à l'avance. Il y a la négociation permanente en cours de jeu. Et puis, il y a le débriefing, hein, qui est aussi très important, c'est-à-dire à la fin de la partie, ou même un peu plus tard, entre deux parties, on rediscute du jeu, quoi. C'est un peu une espèce de trinité vertueuse, quoi. Ouais, ça c'est une ouverture et c'est pas mal. J'en ai aussi une autre à mettre en parallèle de la tienne. C'est que au final, quand tu regardes, on a plusieurs fois j'ai répété qu'en fait il y a une question d'apprentissage et qu'en fait un joueur qui a plus d'heures au compteur pertinente hein, Ouais. aura pas les mêmes sujets qu'un joueur qui est plus une joueuse qui est plus débutante. Et en fait pour moi c'est vraiment quelque chose à rapprocher d'un modèle qui avait été introduit par Arthur Koestler dans un bouquin qui s'appelle Le cheval dans la locomotive, qui t'expliquait gentiment qu'en fait il y avait une différence entre la mémoire déclarative, donc c'est ce que tu mémorises, genre des noms, des adresses, des dates, des faits, et la mémoire procédurale qui correspond à tu pratiques, et en fait, comment dire, ton corps sait faire, et ça recoupe faire du vélo, dessiner, peindre, faire du JDR. Et donc, en fait, comment dire, il y a cet aspect-là où en fait, la mémoire déclarative, c'est plus ou moins ce que tu retiens de la base, et la mémoire procédurale, c'est ton expérience, et c'est la congruence de ces deux trucs-là qui font que ton joueur, toi en tant que joueuse, tu évolues. Et pour aller plus loin, pareil, j'encourage les auditeurs qui sont pas encore morts d'écouter un truc. Alors, il y a un podcast. Alors, moi, je donne des sources qui sont vraiment différentes des fois en termes de jeu. Donc, j'ai cité le Collège de France avec Pierre-Michel Menger. Là, il y a les podcasts de France Stratégie. C'est une émanation du gouvernement français sur c'est comment la France doit se gouverner, machin, etc. Tout ça. Alors, c'est plein de biais politiques. Si ça vous amuse, je vous conseille de l'écouter pour ça. Mais notamment, le mois dernier, ils ont sorti un podcast sur l'impact des écrans sur les cerveaux. Et en fait, ce podcast est super génial parce qu'en fait, il y a, on va dire, la moitié, entre un tiers et la moitié du temps de parole qui est mobilisé par des chercheuses, des dames qui font de la recherche, spécifiquement sur les jeux vidéo et l'interaction que ça a, les enseignements qu'ils ont réussi à factuellement démontrer. Entre les jeux vidéo et le développement des gens, des enfants, des personnes, des adultes, des handicapés et autres. Et en fait, c'est hyper intéressant à écouter. Alors, voilà. Si tu permets, En sachant qu'en plus, excuse-moi, aussi, ça parle de problématiques de jeux vidéo, mais pas les problématiques des 70-80 sur est-ce que ça rend violent. Ça, c'est un truc, voilà, eux, ils sont déjà passés à autre chose. Hein. Ouais, sur l'apprentissage plutôt, je pense, imagine. Alors, si oui. Tu permets, je vais revenir à un sujet, recentrer un peu sur le jeu de rôle. On a parlé de savoir-faire et d'expérience. Mais en fait, j'ai du mal à croire que plus tu as d'expérience, plus tu as de savoir-faire. Parce qu'en fait, il y a aussi une notion de est-ce que tu as la volonté ou est-ce que tu as la conscience que tu peux élargir ta palette. Je vais prendre un exemple. Il y a une petite phrase assez laconique de Gerard Sidolesfine, mais qui ouvre des portes, c'est « les immersions sont des compétences ». Et là, tu te dis, attends, en fait, l'immersion, c'est pas forcément un truc qui m'arrive, entre guillemets, sans que je contrôle. Genre, ouais, l'immersion, c'est un truc qu'on recherche, mais on n'a pas du tout à le provoquer, quoi. Il faut que ça nous arrive grâce aux autres joueuses, quoi. Mais en fait, tu peux te mettre dans un état d'esprit d'être plus immergé, quoi. Il y a un moment, il faut que tu fasses un glissement de pensée, de te dire que ce morceau de l'expérience rôliste, c'est pas uniquement un truc qui t'arrive, c'est un truc que tu peux initier et que tu peux améliorer, tu vois. Et comment dire, alors moi, j'ai deux remarques par rapport à ça, c'est qu'en fait, trois remarques, parce que c'est super riche ce que tu dis. Le premier point, c'est que juste avant ton intervention, j'ai commencé en disant le nombre d'heures qui compte. Parce qu'en fait, justement, c'est-à-dire que tu peux avoir 10 millions d'heures de parties de jeu de rôle, si tu fais toujours la même chose, tu n'auras pas élargi ton spectre et en fait, tu n'auras pas eu 10 millions d'heures d'apprentissage de pratique. Parce que tu auras appris quelque chose et pas beaucoup plus. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, il faut avoir des heures qui comptent. Ensuite, avec mon groupe de joueuses, nous, on a un axiome qui est proche de notre ami Gerard Sildofenhein. Je m'excuse pour avoir écorché son nom. Je suis une merde. Mais en fait, nous, dans mon groupe de joueuses, en fait, nous, on dit la chance est une compétence. C'est-à-dire que tu apprends à avoir de la chance. Alors, pareil, c'est laconique. Ça veut dire tout et rien. Mais en fait, c'est qu'il y a une manière, en fait, ou comment dire, tu acceptes l'incertitude et le risque, tu le gères. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce qu'on pourrait parler très longtemps de ce truc-là. Ouais. Voilà. Et en fait, il reste que c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, ces aspects-là où tu as l'impression que c'est quelque chose qui s'impose à toi, l'immersion, ça te percute comme un train, par exemple, c'est pas exactement ça. C'est aussi toi qui te mets en condition et qui, quelque part, va orienter l'immersion, comment elle va t'arriver, à quelle intensité et quel type. Alors, si tu permets, moi, je vais faire en bullet point, les tout petits points qui me restaient. Ça va être très rapide, mais je veux qu'on reste dans les temps. Pour les auditeurs, je veux dire qu'on est en retard, là. Ouais. Comment s'émanciper des règles? Donc, en fait, sur les règles maison, j'enverrai un article de Mike Bourg qui s'appelle « Une règle à votre mesure ». Alors, l'article a le mérite de lister, en fait, tous les prétextes qui nous pousseraient à changer les règles de la base, en fait, pour faire une meilleure partie. Par contre, il a l'inconvénient que finalement, à chaque point, il dit non, mais ne changez pas les règles, en fait, il ne faut pas le faire. Mais bon, il ouvre des pistes intéressantes, mais sans les exploiter. Ouais, il a eu le courage quand même de le poser, quoi. Ouais, tout à fait. Le talent, c'est. Je vais renvoyer une phrase de Brel. Oui, c'est nul. Brel a dit un truc qui s'appelle il a dit le talent, c'est d'avoir envie. C'est-à-dire qu'en fait, une phrase de Britney Spears a balancé pour répondre. Je sais pas, toxique. je l'ai fait encore. Oui, donc en fait, grosso modo, le talent, c'est d'avoir envie. C'est-à-dire que pour que ta partie réussisse, il faut déjà en avoir envie, quoi. Et je pense que des fois, on arrive à la table avec une sorte de non-envie que ça marche bien, voire même d'envie que ça rate, en fait. Je pense que des fois, il y a un plaisir malsain à vouloir que la partie rate juste pour prouver qu'on est supérieur au groupe de jeu, juste pour prouver que la base est nulle et tout. Et donc, je pense qu'il y a des moments où on se saborde complètement avec cette attitude-là. Donc, ou alors parce que tu as un contentieux à vider avec une joueuse et puis qu'en fait, comment dire, voilà, elle t'a énervé encore une fois et là, tu as vraiment envie de lui faire sa fête, quoi. Voilà, et donc, mais quelque part, c'est toujours parce que tu as quelque chose à prouver. Et c'est pas. Peut-être que tu prouveras ton truc, mais en tout cas, tu passeras pas un bon moment, quoi. Donc, le problème, c'est que tu vas plus être dans une situation de jeu, tu vas être dans une situation qui a l'air d'être du jeu, mais qui en fait est une explication. Voilà. Donc, le premier prérequis à faire une bonne partie, c'est d'avoir envie de faire une bonne partie, en fait. Et d'y mettre les moyens, quoi. Et à partir de là, en fait, ton expérience, ton geste rôliste, ça viendra en fait. Du moment que tu t'arrives à chaque partie en disant putain, j'ai envie qu'on fasse une bonne partie. Con, hein, le on est important, pas uniquement moi, quoi. J'ai envie qu'on fasse tous une bonne partie. Ben, le talent, il viendra. Peut-être que tu feras 50 parties pourries, mais à la 51e, il y a un truc qui va se débloquer parce que tu auras vraiment creusé dans cette voie, quoi. Ouais, mais au bout de 50 parties pourries, je peux te dire que tu es quand même persévérant. Mais bon, je dis ça, ouais, bien sûr, mais. Et ouais, mais de toute façon, comment Dyson, il a bien fait 1000 échecs avant de faire son aspirateur. Hein, donc, il y a un moment, ça se mérite en fait. Le plaisir, ça se mérite. C'est une notion de notre rapport au plaisir, plaisir Il de faut jeu là en l'occurrence. écouter Est-ce que les le podcasts de plaisir, Pierre c'est un Michel Blinder, truc? il parle de ça. Est-ce que le plaisir, c'est un truc qui t'arrivait comme ça, tout cru dans la bouche? Ou est-ce que c'est un truc qui se mérite et qui des fois va se récolter à la force du poignet, quoi? Est-ce que tu t'es battu pour l'avoir? Voilà. Battu au sens Donc ça va métaphorique, hein. de jouer plein de fois, ça va aussi de quitter un groupe de jeu pour aller dans un autre, de tester, de changer de joueuse, de changer de jeu. Enfin voilà, c'est à quel point tu t'es investi en fait dans la réussite de ta partie, quoi. Est-ce que tu as un mot de la fin? Fin, mais sinon, en tout cas, j'espère que ça a intéressé les gens. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous voulez discuter avec moi, parce que j'ai pas une présence très publique ni très transparente sur Internet, dans le sens où, comment dire, Pierre V, il y a la première lettre de mon nom de famille, mais par contre, je cherche pas non plus à promouvoir qui je suis ou quoi que ce soit, parce que je cherche pas à publier, éditer ou quoi que ce soit non plus. Si vraiment vous Bah, voulez vous pouvez absolument commenter m'envoyer dans un les mail podcasts. d'un Ouais, vous pouvez envoyer dans les podcasts. Je Je regarderai le pense que truc et Pierre je vous surveillera les écrirai à votre commentaires. mail si vous voulez. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. On a juste 3 minutes de retard, on est fort. C'est nickel. Allez, on vous laisse. À la prochaine. Au Jouez revoir, à bien. la prochaine.